Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et mangas. HongKongStyle. All this green, looking at my wrist like what the fuck you really mean? All this money, nigga, all this green. Looking at my wrist like what the fuck you really mean? All this money, nigga, all this green. Looking at my wrist like what the fuck you really mean? I got a couple bitches, do they really love me? Looking at my neck like what the fuck you really mean? All this money, nigga, all this green. Looking at my money like a fucking movie screen. I got a couple bitches, do they really love me? Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode de Flashpoint consacré au mois de juin et un peu de mai parce que comme vous le savez en mai donc on n'a pas pu enregistrer. Donc on est là, on est de retour, on est back dans les bacs avec Cédric. Salut à tous. Vinch. Salut salut. Et Spectra. Bonsoir. Tout le monde va bien? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ok. Et on va avoir un super son là pour la première fois. Alors normalement ça devrait être un peu mieux vu qu'on est passé sur un serveur financé par Vinch à hauteur de 25 centimes par mois. Ouais, tout ça financé par la société production Vinch Prod. Voilà, et on va quand même pas créer victoire trop tôt parce qu'autant ça va pas marcher. Donc on verra si à la fin ça a marché et donc, si le son est meilleur. Donc en fait les sous du sponsor, même pour ça tu veux pas les filer à Vinch. Les sous c'est pour moi. Je veux les putes et la coke aussi. Ouais, surtout la coke. Alors, ben, vas-y, Spectra, on va commencer par les news ciné. Alors, les news ciné, donc on a Ben Affleck qui devient le producteur exécutif du film Justice League. Ouais. Geoff Johns à la tête de la division DC Films. Ouais. Zach Stentz et Greg Berlanti qui confirment leur implication dans un film Booster Gold. Ouais. C'est... Donc t'as pas l'air voilà, t'as l'air un peu inquiet, Cédric. Ah ouais, non mais enfin Berlanti, c'est le tocard qui nous fait tous les séries CW. C'est ça. Ah ouais, voilà. Donc Booster Gold sera évité au cinéma. C'est con parce que c'est un super perso. Hein. Mais moi je suis pas trop partisan du bashing avant le film. Ah mais moi je suis partisan du bashing à partir quand tu vois ce qu'a fait le gars avant quoi. S'il a fait que de la merde, pourquoi peut-être qu'il va se révéler ce jour-là, tu vois. Ouais ouais, c'est possible. Hein. Je demande qu'à être surpris, mais en l'occurrence, c'est quand même un a priori négatif. Ok. Donc, voyons ça. Une rumeur de film Harley Quinn's Birds of Prey. Oh mon dieu. Ouais. Ça, j'avais pas vu ça. Un truc bien girly. On n'en sait rien, là. Pourquoi t'es comme ça tout le temps? On n'en sait rien que ça va être girly, bordel de merde. Qu'est-ce qu'elle fait dans les Birds of Prey, Harley Quinn? Mais ouais, putain, qu'est-ce qui nous casse les couilles avec ces connasses? Commencez pas à faire les conservateurs, on n'en sait rien. Putain, on n'a même pas les acteurs, le film, le machin, c'est une rumeur. Pourquoi ce serait girly? Parce que c'est une connasse. Moi je m'en fiche que ce soit girly, ce qui m'embête c'est qu'ils vont mettre Harley Quinn partout comme dans les comics. Ouais, ça fait chier. Putain, avant c'était juste la pouffe qui suivait le Joker en rigolant. Maintenant c'est le Joker qui la suit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah là là, déjà qu'on avait pas grand monde qui nous écoute, là je pense que. Un flashpoint 100% misogyne. Voilà. Ah non, moi c'est pas de la misogynie, c'est juste que. Ça devrait être un mec Harley Quinn. Ouais, voilà. Moi le personnage il m'attire pas plus que ça, mais. Non, moi je ne demande qu'à voir. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle ferait avec les Birds of Prey? Je comprends pas. Mais on sait pas, c'est une rumeur, bordel de merde. On va attendre et puis on verra. Non, on veut des réponses. Ça peut être Harley Quinn v Birds of Prey, tu sais pas toi. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être, mais comme la Warner nous écoute, nous espérons qu'ils vont rapidement nous donner des réponses, sinon il y aura des conséquences. On va vite passer à la suite avant que ça parte dans tous les sens. Spectre. Alors, Rick Famuyiwa qui devient le nouveau réalisateur du film Flash. Donc lui, apparemment, c'est The réalisateur qui a fait un film super culte que j'ai, dont j'ai jamais entendu parler. C'est Dope. Voilà. Donc personne l'a vu, je pense. Non. Voilà. Donc apparemment, il a fait un super film. Donc les gens sont confiants pour Flash. Moi, j'en sais rien. Peut-être que je le mettrai un de ces quatre. Vous avez... Le défaitiste, quoi. Ouais, non, ça m'énerve les gens qui disent du mal avant que le film existe, quoi. Ça se non, pas. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'à chaque fois, ils sortent des mecs qui ont été inventés de toutes pièces ou qui viennent d'arriver dans le game et ils ont fait genre un pop film en indé avec 3 francs 6 sous et t'as des mecs qui viennent et qui te sortent, tiens, c'était culte, c'était génial, nanana. Alors, je suis sûr qu'ils l'ont même pas vu, quoi. En même donc, temps, pour ce genre de film, ce qui compte, c'est la division des effets spéciaux. Le réalisateur n'a sur ces films-là n'a plus vraiment d'importance. Il y a qu'à voir les films Marvel, ils prennent que des tocards, c'est pas pour rien. Ouais, mais on voit le résultat. Mais moi, je veux films géniaux. Moi, je veux un film avec une histoire, un truc bien fait et tout, quoi. Je veux pas des effets spéciaux. Après, pour l'histoire, si c'est Geoff Jones qui fait le scénario, on l'aura peut-être. Hein. Si je veux voir un film avec des effets spéciaux, je fais comme toi et je m'assume totalement et je vais payer une place à 15€ pour aller voir Gods of Egypt. Ouais, God of quoi? Une merde là, en 3D IMAX, wesh, machin bidule. Ah, c'est pour le coup, c'était vraiment une vraie daube. C'est de l'art. J'ai vu juste la bande-annonce, j'ai dit ça, c'est de la merde, et Cédric il s'est assumé, il l'a vu carrément. Ok, ensuite, on a eu le titre du film Justice League. Ouais, gros ça, c'était gros lol, tous les sites étaient là, on a le nom du film officiel. Alors vas-y, comment s'appellera-t-il? Justice League. Waouh. C'est impressionnant, franchement, et il a quand même surpris tout le monde, parce que c'est un titre qu'on n'attendait pas forcément, et qui est simple, mais qui a le don d'attirer le regard. Ouais. En plus, maintenant j'ai hâte de voir le logo quand même qui sera révélé bientôt, j'espère. Mais le logo a déjà été révélé. Et la typo. La typo écrite a déjà été révélée, c'est officiel? Bah ouais, c'est okay. Justice League avec une petite étoile, genre. Ok. Ah, j'ai vu ça, je crois que c'était à Photoshop, c'était de la merde, pardon. Non, je crois que c'était le truc officiel. Bah, ils ont pas fait trop chier, hein, mais. Bon, après, on va pas lancer un débat si on aime ou pas, c'est un logo, on s'en bat les couilles, mais bon. Non, mais c'est déjà le logo au début du film, tu vois, c'est l'image du film, donc si tu dis que l'image du film est déjà mauvaise, qu'est-ce que sera le film? Ouais. C'est la question. Ok. Et le podcast, allez, la suite. Deux films DC inconnus ajoutés pour 2018 et 2019. Donc certainement Batman. Et certainement Superman. Ouais, probablement. Lex Luthor qui sera présent dans le film Justice League. Bah, ça c'est pas une nouvelle, hein, on s'en doutait quand même. C'était une rumeur, mais balancer la rumeur et ensuite la confirmer. Ok. Ah, t'as comme avec Amber Heard. Quoi? Ouais, bon, ça c'est pas la grosse news, on s'y attendait quand même, quoi. On a eu deux trailers pour l'édition Ultimate de Batman Superman, mais bon, au moment où on avait mis l'info, voilà, il y avait eu que les trailers, maintenant on a eu la version Ultimate qui a été diffusée il y a pas longtemps. Ouais, mais elle est qu'en VO. Ouais. Elle est disponible quand en France, la version Ultimate de Batman Superman? Le 3 août? Je crois que c'est le 3 août. C'était le 3 août. Je crois que c'est ça. C'est tard, quoi. Ben ouais. C'est une invitation à aller voir ailleurs, quoi. Non, mais moi, de toute façon, dès qu'il est dispo sur Internet, je le prends. Après, je le rachèterai en DVD, enfin en Blu-ray. Mais, ouais. Mytho. Hein? Non, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Je vais l'avoir, la version Ultimate, je l'aurai. Par contre, faut que je vois si j'ai un lecteur Blu-ray. Ça, je crois que j'en ai pas. Ouais. Non, parce que... un Blu-ray, mais sans lecteur Blu-ray. Faut dire t'as une PS3, je crois, non? Non, t'as une PS3. Faut dire... Ouais, mais la Play 3, elle est en train de serrer, là. Elle est au bout de sa vie. Tu l'as pas eu depuis deux mois? De quoi? Ta Play 3. Je l'ai eu il y a deux mois. Ouais, quelque chose comme ça, non? Non, ça fait longtemps que j'ai la Play 3, ça va faire deux ans. Mais là, je devais acheter une Play 4 à un pote à pas trop cher et il a pas trouvé la garantie. Du coup, je vais pas acheter un truc sans garantie. Parce que la version Ultimate, donc la version longue, elle est qu'en Blu-ray. En DVD, ils ont pas le droit à la version longue. De ce que j'ai compris. On verra avec son temps. Ouais. Ça doit être ça. Ensuite... Le trailer du film DC Super Hero Girls qui a été dévoilé. Putain, mais alors ça, je sais même pas pourquoi ça... J'aurais dû enlever cette news. Tout le monde s'en bat les couilles, non? Je sais. Non, ça m'intéresse. Film animé. Je ne sais pas aller le voir. Ok. Ensuite... Ouais. Zack Snyder et John sur un projet secret pour DC. Donc, on sait pas si c'est un film, une série, un anime ou un comics. Bah, c'est pas... ce serait pas les fameuses rumeurs sur la série Watchmen dont on parle. Ce serait cool. Hein. Ouais. Ouais, ce serait cool. Il y a pas mal d'infos qui ont été dévoilées aussi sur le film Justice League. Il y en a un qui peut fermer la fenêtre ou pas? C'est les pompiers? Les pompiers chez Spectra, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est très mal isolé chez moi. D'accord. La fenêtre est fermée, hein, donc... Il n'y a pas de souci. Ouais. Et on a eu des nouvelles affiches, un clip avec Lil Wayne et Wiz Khalifa et Imagine Dragons et la bande-son de Suicide Squad qui ont été révélées. Alors, j'ai pas du tout kiffé le morceau, moi. Je sais pas si vous l'avez écouté. Toi, tu vas pas aimer, Cédric, on le sait. C'est atroce. Mais... Ouais, non, ah, mais c'est ignoble, ouais. Même moi qui aime le rap, je te dis c'est atroce. Ah, mais enfin, Imagine Dragons en plus, c'est horrible. Mais alors, quand tu rajoutes les deux rappeurs dessus, là, c'est. Ouais, non, c'est de la grosse soupe, quoi. Voilà, par contre, j'attends le morceau de Rick Ross et Skrillex, qui peut être pas mal. Mais t'aimeras toujours pas Cédric. Ah non, ne t'en fais pas. La Skrillex, je déteste. Ensuite, on a eu apparemment, on a appris qu'un TPS Suicide Squad sera en préparation. Donc par Warner Bros. Machin Québec là. Montréal. Question bête, c'est quoi un TPS? C'est un. Alors, j'ai envie de me taper un petit délire, j'ai demandé à Vinch. C'est quoi un TPS? Third Person Shooter. Third Person Shooter. Ouais, ça, ouais, Third Person Shooter, un truc comme ça. En fait, c'est un jeu de tir à la troisième personne. Ouais, mais genre Uncharted. Ouais, genre Uncharted, genre tous les meilleurs jeux, quoi. Genre Batman Arkham. Ouais. Genre Last of Us, c'est tout des TPS en fait. Ouais. Des vieux à la troisième personne. Okay. Donc, ça, ouais, on verra bien, ça peut être cool. Enfin. Après, ils ont le matériel qu'il faut derrière, ils ont eu trois versions de fête déjà, donc ils peuvent toujours se débrouiller pour faire un truc pas trop mal. On a appris aussi dans le même temps que la version, là il devait sortir un remake en version HD, HD truc bidule des deux premiers Arkham, qui devait sortir au mois de juillet, apparemment ça a été reporté. À une date indéterminée. Ouais. Donc voilà. Ça, et ensuite on a eu Injustice 2. Avec deux petites vidéos cinématiques et gameplay, avec notamment des nouveaux persos, donc il y a Supergirl, comment il s'appelle, Atrocitus et Gorilla Grodd. Et sûrement d'autres, bien plus ouais, encore. Sûrement d'autres, ouais. On pourra customiser ses Pokémon, ses personnages. La cinématique, elle était grave glauque. Alors les mecs qui voulaient spam devant Batman V Superman, ils ont déjà halluciné devant le trailer parce que c'est encore plus sombre. Et après, on a des armures de customisation, machin. On voit Superman avec une armure, Flash avec une armure. Donc après, je sais pas si ils auront vraiment des armures. Je pense que c'est juste pour montrer qu'on pourra, comme il dit Vince, customiser ses personnages. Un peu comme dans un RPG. Donc, vous avez vu les vidéos? Ouais. Tu vas l'acheter, Vinch? Ouais. Ouais, je te tartine encore un peu le cul dessus. Hein. Ouais, ouais. Je vais tellement te faire des combos qu'après, tu vas casser ta manette. Comme dans Injustice sur PS3. Hein. Voilà. Ouais, là, c'est ça. On saura jamais qui a vraiment gagné entre c'est deux, en depuis, fait. C'est depuis cette fois-là que ta PlayStation 3 ne va plus si bien. Non, mais Vinch, honnêtement, vas-y, là, dis la vérité. On a fait combien de... On a fait 10 parties, t'as pas gagné une seule fois. Je t'ai défoncé à chaque fois, dis la vérité. La vérité, je t'ai fait défoncer. Après le game, il m'a fait ouais, non, écoute, je vais quand même aller manger et tout parce que j'ai faim. Allez, on refait une game plus tard et après on n'a plus jamais joué. Si, on en a refait plus tard. Bah non, c'est pas avec moi en tout cas. Sérieux? Ouais, sérieux. Mais bon, d'ailleurs, toi, en fait, il joue avec Agathe puis des morts. Et je t'ai quand même défoncé quand même. Non. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Les vrais savent. La prochaine fois que tu fumeras ta défaite. Tu disais quoi, Cédric? Ah, je pense, on enchaîne. Ouais, on va enchaîner, ouais, ouais. Alors, on va passer donc aux news comics VF avec ben Vinch. Il y en a pas. Ça a été en grève toi aussi? Voilà. Alors, donc, on a le planning de septembre pour DC qui avait été dévoilé le mois passé avec un planning très pauvre pour. Donc, on a Justice League tome 10, Dark Side War partie 2 et fin, Batman et Robin tome 6, Batman et 3 petits points. Mais Justice League tome 10, ils auront en septembre? Ouais. Putain, ils font vite. Ils viennent sortir le 9. Ouais, bah, souvent, quand ils cèdent en partie 1 et partie 2, il y a quand même quelques mois qui sortent. Ouais, deux mois de différence, ça va. Ouais, mais là, ils ont fait les crevards. Je crois qu'il n'y avait que 5 épisodes dans le dernier. C'est possible. Ouais, ouais, les 5 premiers épisodes de la. Ouais, en VO, c'est l'illustration en plus gros. Ouais, les VO sont pareils. Ouais. De toute façon, d'accord. Après, t'auras le tome 10 en septembre et après, t'auras plus rien avant mai 2017. Donc, c'est un peu con aussi d'aller si vite pour après laisser un si gros. Est-ce qu'il y aura les issues 51 et 52 dedans? Parce que dans les tomes VO, les issues 51 et 52 sont pas dans le TP. Je ne pense pas. Je ne sais pas parce que je ne crois même pas, puisqu'ils ont appelé ça la Dark Side War. Donc, ouais, Donc je crois qu'on va se limiter vraiment jusqu'au numéro 50. Ouais, sûrement ça, ouais. Okay. Et ensuite, nous avons donc la politique éditoriale de Green Lantern qui fait encore un peu graisser des dents à certains, vu qu'ils avaient annoncé il y a un an. Deux publications de Green Lantern qui ont été annulées, qui ont été retransformées dans un format un nouveau format où ils vont rééditer tous les Geoff Jones. Et alors ils ont décidé actuellement de ne plus continuer à publier ni en kiosque ni en librairie le New 52 de Green Lantern jusqu'à nouvel ordre. Donc à mon avis avant 2017 on n'aura plus de Green Lantern sauf le tome qui est sorti qui sort demain. De toute façon, Green Lantern, faut suivre les Geoff Jones. et jusqu'au numéro de conclusion de Geoff Johns sur les New 52, quoi. C'est le numéro épisode 20. Qu'ils ont publié. Mais après, 20. Voilà. Après, c'est Venditti, il arrive, et après, c'est terminé, quoi. Ouais, mais là, il parle de Brightest Day, de War of the Green Lantern. Ça, c'est avant les voilà. New 52. Donc ça sortira même pas, quoi. Ils sont pas encore sûrs, ils vont le refaire. En fait, normalement, ça devait sortir dans des volumes uniques, mais du coup, ils vont plus ressortir ça. Ils ont dit parce qu'ils veulent le mettre dans un nouveau type de format qu'ils ont pas encore décidé exactement où ils vont rééditer, soi-disant tout Geoff Johns parce qu'il est en rupture de stock. Ah, c'est vraiment dommage parce que c'est la fin avant les New 52 et c'est vraiment bien. Ouais. Bah ouais, mais du coup, les gens râlent parce qu'ils ont acheté des éditions, la plupart des gens ont acheté à l'époque. Et en fait, ce sera plus le même format, ce sera un autre format. Donc, ça fait chier, parce que ça semblera pleurer dans leur bibliothèque, etc. Ce que je peux un peu comprendre, mais. Et du coup, ils sont même pas sûrs d'avoir tout le run, quoi. Ouais, c'est un peu dommage que Urban, ils s'en battent un peu les couilles de Green Lantern, quoi. C'est parce qu'ils ont eu le run de Venditti. Ça doit être ça. Moi, je cherche Green Lantern tome 0 et il y en a plus, à part sur internet, avec des gros bâtards. Qu'ils ont acheté ça à 15,9€ et qu'ils le revendent 40€ en occasion. D'ailleurs, voilà. Le mien est à revendre à 160€ si ça intéresse quelqu'un. On va peut-être que Spectra va nous quitter ce soir. Parce qu'apparemment. grosse breaking news, ça a matché sur Tinder. La fille, elle m'a dit on arrête de discuter, on se voit. Mais non. Si, si. Mais là, direct. Ouais, bah j'ai pas répondu, on verra demain. Priorité à Flashpoint. Mais carrément pas, vas-y. Non, c'est bon. Wally, il bande déjà pour toi, tu vois. Ah, le mec, ce putain, qui m'aurait dit que Spectra c'était pas un mec facile. Mais non. Non, tu vois, il a de la pudeur, quoi. Il va pas se laisser intimider si facilement mais maintenant, avec toutes les auditrices qu'on a sur Flashpoint, elles savent toutes que Spectra est libre. Ça va être la folie. En plus, il fait des posts de beaux gosses sur Facebook, tu vois. Ouais. Venez. Oh putain. Tu vois, c'est pas comme Wally, des fois il fait un peu le tolard sur Facebook. Le tolard, ouais. Tu me diras quand c'est que je fais le tolard, ça m'intéresse. Non, Wally, il est fait toujours stylé avec une petite écharpe. Il a toujours une petite écharpe. Il a froid au cou. C'est le chef, je suis un American boy, c'est la classe. Bon, on va continuer avant que tout le monde se barre, quoi. Donc, non, après Spectra, si tu veux. Je sais pas si y a moyen et tout, que tu sens que ça va passer une bonne soirée, bah tu peux y aller. Hein. Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais, non, je veux pas abandonner nos trois auditeurs. Ah, on est là. Ok, on va poursuivre avec les sorties de juillet, Cédric. Ah, ouais, putain. Bon, mon chien se calme. Ah, c'est ton chien? Ouais, c'est mon chien. Fais quelque chose. Alors, les sorties de juillet. On a tout d'abord Crisis on Infinite Earth et Crisis on Infinite Earth, le compagnon. Figurez-vous que j'ai acheté le compagnon. J'ai acheté le compagnon tout à l'heure. Il est chez WAM là. Il est imposant. Il fait 500 pages. Il est chouette, hein. Il est chouette. Il est beau. Ah, c'est déjà sorti? Ouais, en France, ça sort le jeudi. Pas le vendredi. Il est canon, mais après, je l'ai ouvert, ça pique les yeux quand même. Hein. Bah, chez nous, ça sort mercredi, ok? C'est ce que j'ai payé en librairie. C'est 85, hein, Wally? Hein. Ouais, c'est ça, ma date de naissance. OMG. Vas-y. Flash tome 4. Je l'ai acheté aussi. Mais ça, c'est de quoi? C'est pas New 52. Ah, c'est New 52. Ah non, c'est Manapool et Boucher la Tour. C'est la fin de leur run, normalement, avec le Reverse Flash. C'est le Reverse Flash, ouais, c'est peut-être un des meilleurs. C'est Reverse Flash ou Nega Flash, là? Nega Flash, là, lui, non? C'est pareil, c'est juste Urban, c'est des beats, mais c'est pareil. Ok. Ouais. Donc ensuite, on a Green Lantern, le retour de Hal Jordan. Je l'ai acheté aussi. Ça, c'est Rebirth en VO. C'est le premier Rebirth de Geoff Johns, ouais. Ouais, excellent. Harley Quinn, tome 3. Ça, je préfère pas dire ce que j'en pense. Suicide Squad, tome 2. Ouais, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde, ouais. Ouais. C'est vrai. Superman, Terre 1, tome 2. Ça, c'est par Straczynski. C'est excellent. Ouais, j'avais le 1, j'avais bien aimé, ouais. Et Injustice, tome 6. Donc, c'est l'année 3, partie 2. Je pense que c'est mon année préférée dans Injustice. C'est avec la magie, Constantine, ouais. Etc. Ouais, très sympa. Ouais, putain, moi, je suis toujours à la partie... J'ai quoi, moi, les deux premiers tomes? Je suis à la bourre. Ouais, l'année 2, ça devient nettement mieux déjà que l'année 1. Déjà, graphiquement, ça devient beaucoup plus beaucoup mieux. Consistant. Ouais, l'année 3, c'est mon année préférée. Tu vois qu'au début, ils y croyaient pas. Hein, ils ont mis un peu n'importe qui, quoi. Après, carrément. Par après, contre, ça a tellement pris l'ampleur que... L'année 3, on voit le départ de Tom Taylor et l'arrivée de Buccellato au scénario. C'est ça. On va continuer au News Comics BO si vous avez rien d'autre à rajouter, mesdames et messieurs. Allons-y. Alors, donc, une mini-série Raven en septembre. écrite par donc le créateur du personnage Marv Wolfman avec Alison Borge au dessin. Donc, ce sera donc une mini-série en 6 numéros donc à débuter en septembre. Ensuite, on a eu 2-3 trucs. Attends, juste breaking news. Ouais, j'allais dire Midnighter aussi... et Apollo en septembre aussi, mini-série en 6. Ouais. Mmh. Ah, ça, c'est clairement une bonne nouvelle. Tiens, moi, quand t'as dit Breaking News, je pensais que Lafitte a envoyé ses boobs. Je suis dégoûté. Toi, t'as pas reçu la photo, Vince? Non, mais de toute façon, il y en a aucun de nous qui sera aussi dégoûté que Spectra, quoi. Je pense ce soir. Mais j'ai reçu des snaps sympas pour me consoler. Oh, putain. Ah. Moi, je reçois que de la merde sur Snap. Il y a que des mecs qui m'envoient des daddy boobs. Putain, je te jure. Des sans déconner. C'est ça, ma vie. Des daddy tétons? Des daddy tétons? J'ai failli vomir l'autre fois. Des dédits tétons avec plein de poils autour du téton. C'est dégueulasse. Tant que c'est pas des dédits bites, ça va. Ouais, les dédits tubs, laisse tomber, je casse mon téléphone. Ensuite, on a Dan Abnett qui devient exclusif chez DC. Donc actuellement, il est scénariste sur Aquaman et Titan. Ok. Ensuite, on a un nouveau logo DC que personnellement, je trouve absolument dégueulasse. Ouais, pareil. Ouais, ouais. Il est haché. J'aimais beaucoup l'ancien, donc je me suis toujours pas fait. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai besoin d'avoir un autocollant de baseball sur les comics maintenant. Ouais, c'est pas terrible. Ensuite, autre news. Donc, Darwin Cook est dead. Voilà, il y a eu plein d'élan, plein d'hommages sur Internet. Apparemment, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup pleuré. Écoutez, désolé. Mais quel connard! Il y en a qui... Non, mais je suis désolé, mais sur Facebook, il y a que des forceurs sur Facebook. On dirait c'est leur papa qui est mort, putain. Ouais, il est mort, c'est triste, ça fait chier, mais putain, les mecs, j'ai vu des articles et des pavés, c'est avec une peine immense, que ça va, c'est pas ton père. Enfin, bref. Donc, voilà. Reste une piste, poteau. Donc dans ces travaux, donc on peut vous conseiller chez nous New Frontier, qui était vraiment pas mal. Ouais, c'était génial. Je sais pas si c'est sorti en VF New Frontier. Non, c'est pas sorti encore en VF. Mais ils vont le sortir à coup sûr, Urban. Ouais, ça... c'est sûr et certain. Ouais. Ouais. Mmh. Ensuite, pour faire un peu plus léger quand même, après ce gros drame. Quel bâtard. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que... Après ce gros drame. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que voilà, je supporte plus les gens qui en font des tonnes et des tonnes, quoi. Putain, arrêtez. Les gens qui ont de la peine dans leur cœur et toi, tu les humilies. Qu'est-ce que t'as de la peine, putain. La prison, ça t'a rendu dur, Wally. Ouais, je crois que c'est ça. Non, mais. Je sais pas, je comprends pas. Enfin bref. Ensuite, donc beaucoup plus jovial, beaucoup plus trivial, je dirais même plus. Donc dans le désordre, donc il y a une troisième réimpression pour DC Rebirth. Donc ça veut dire que ça marche plutôt pas mal. Je crois même qu'on est à la quatrième maintenant. À quatrième. Bon bah c'est bon ça. Ensuite, on a une deuxième impression pour Batman, Superman, Green Arrow et Green Lantern Rebirth, ainsi que Aquaman 1, The Flash 1, Wonder Woman 1, Action Comics 958. Bon bref, en gros presque tout quoi. Voilà, et peut-être qu'il y en a eu des triples en plus, mais je suis pas allé vérifier depuis que j'ai vu cette news. En tout cas, ça a l'air de marcher. On incite les gens, si vous voulez les acheter, à vous dépêcher, parce que c'est cette semaine que tous ces titres sortent. Non, mais ils sont déjà sortis il y a un petit moment, en fait. Non, mais les réimpressions... Non, mais ils les ressortent, là, les réimpressions, impressions. C'est cette semaine. Mmh. Donc, je pense que ça va partir aussi vite que les premières impressions. Ouais. Le danger maintenant, c'est que DC a remarqué que les relaunch, ça fonctionne. Donc, ils sont capables de faire comme Marvel, tous les 6 mois, un relaunch. Non, je pense que le prochain, ce sera dans 2 ans. Ils avaient dit une histoire globale sur 2 ans, en fait. Ouais. On en parlera plus tard dans les reviews. Et ensuite, DC Rebirth numéro 1 et numéro 1 des ventes sur Diamond en mai. Ça faisait 20 ans que c'est plus arrivé. Ouais. Et c'est largement mérité. Et le pire, c'est que le mois de juin, il y a déjà des rumeurs qui courent comme quoi DC aurait 9 titres sur 10 en tête. Dont Flash numéro 1. Probablement. Et ouais. Donc bah, c'est cool pour DC. Après, il faudra voir si ça va se maintenir. Bon, on espère. Ouais. On espère. Ben voilà, on a fini les news comics VO. On va passer. Léger, franchement, t'as pas bien bossé. Ben franchement, il y avait rien. Même au mois de mai, quand on n'a pas fait l'émission, il y avait pratiquement rien en fait. Est-ce que tu veux nous refaire un petit laïus sur Darwin Cook? Non, c'est bon. Je vais me faire insulter après. Donc voilà, on va passer. Le film donc Batman Superman est disponible en version piratée en québécois. La version Ultimate sort donc le 3, on a dit tout à l'heure. On l'a dit dans le podcast ou on l'a dit avant le podcast de tout ça? Dans le podcast. Non, on l'a dit dans le podcast. Ah, on l'a dit dans le podcast. Ok. Un peu. Donc c'est la version normale et donc bah voilà, on attend de pied ferme une version sous-titrée de la version Ultimate avant de bien entendu la racheter ensuite quand elle sortira. Enfin, moi, c'est évident. Non, mais pirater c'est le mal. Non mais moi pirater pour moi c'est du domaine public là. Pour moi c'est gratuit. Donc moi je m'en bats les couilles. Mais après en vrai celui-là je vais vraiment le racheter dans tous les cas quoi. Ça c'est clair et net que je vais le racheter. À noter donc la version québécoise. Donc elle est tout à fait normale. Des fois ils forcent un peu, ils sortent des Bruce Clark, mais ça passe, c'est pas trop abusé. Et donc ça passe 100 fois mieux normalement qu'en espèce de 3D dégueulasse là avec les lunettes. Donc voilà. Voilà quoi. Donc on va passer au review VF. Vinch. Oui, alors ce mois-ci et le mois passé, enfin surtout le mois passé, parce que ce mois-ci j'ai pas lu grand chose, enfin j'ai rien lu en fait. Donc j'ai lu Earth 2, donc Terre 2, tome 4 et 5, L'énigme de Red Hood et Batman et Robin, tome Eternal, tome 1. Alors, Ersu, au début j'avais vraiment baissé de série et en fait maintenant avec World Ends et tout, j'ai trouvé ça. Je sais pas si vous aviez vu ça à l'époque, moi j'ai pas trop kiffé en fait, je trouve que ça part vraiment dans tous les sens. Il se passe 36 trucs, c'est l'apocalypse de tous les côtés en fait, tu sais même plus vraiment. Tu vois tous les persos qui crèvent, ils ont voulu en faire beaucoup trop, un peu comme ils ont fait dans Injustice, sauf que là. Mais en fait, comme c'est des persos, entre guillemets, un peu secondaires, c'est pas vraiment les premières icônes d'ici, bah, tu t'en fous un peu, tu vois des personnages et tu fais, ah, c'est cool, c'est l'homologue Terre 2, mais au final, ils crèvent, ils disparaissent, c'est même pas très ce qui lui arrive, t'en as rien à branler. Et j'ai une question. Parce que je vais pas là, après j'ai fini Futures End. D'ailleurs, ouais. Je vais les revendre parce qu'ils m'ont bien niqué la gueule quand même. À un moment donné, et quand les survivants, ils doivent arriver sur Terre, qui sont dans leur vaisseau, est-ce que l'œil, il leur dit où c'est qu'il faut aller? Bah non, vu que justement dans vu que du coup ils arrivent pas sur la Terre classique. On bah non, parce qu'en fait après. Justement voilà. Dans ça rejoint Future Ends tome 4, vu que je sais pas très bien comment par quel délire l'autre il va remonter dans le temps, il arrive dans le satellite et là le satellite il est pas encore corrompu, alors il lui dit non, si tu fais ça tu vas détruire l'humanité, d'accord. Alors il fait donc, ah ok ben d'accord. Je vais c'est te péter la gueule, okay. Et il s'explose tout seul quoi et il renvoie du coup ça j'ai pas compris, ça c'est un truc on en reparlera dans Future Ends, mais j'ai pas compris pourquoi le mec il s'envoie dans un futur où il est de nouveau méchant. Enfin, ça, on verra ça après. Mais bon, tout ça pour dire que dans Terre 2, tome 4 et 5, au début, je trouvais ça une série vachement rafraîchissante et sympa. Et là, maintenant, je trouve que ça peut partir dans tous les sens et qu'elle n'a plus trop d'intérêt. J'espère que. Bon, du coup, après, je sais ce qui vient. Il y a Convergence, donc, mec, ça va être pire. Puis après, il y a Earth 2 Society, et ça, j'ai lu en VO, c'est quand même un peu mieux, même si. Ouais, mais je pense que ça m'étonnerait qu'il sorte en français, ça. Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Mais moi, je m'en fous, je les ai lus en VO, mais je veux dire, c'est quand même un peu mieux que ce qu'on avait trouvé maintenant. Maintenant, à l'époque, je ne sais pas si vous aviez lu les World Ends. Moi, j'avais commencé, j'avais vite arrêté, ça m'avait gavé. Moi, j'avais tout lu. Nickel. Et t'avais bien aimé, toi Disons que le format hebdomadaire était plutôt sympathique. Quoi. Après, au niveau de l'histoire, c'était pas mirobolant, mais au moins, ça faisait une bonne dose de baston dans la semaine. Puis à l'époque, de toute manière, ce qui sortait chez DC, c'était pas non plus la panacée. Donc, ouais, peut-être que là, c'est justement en format hebdo, ça aurait été moins indigeste, parce que là, en plus, ils ont sorti les deux volumes à 3 semaines d'intervalle. C'était des putains de pavés où vraiment, il n'y a que de la baston, de la baston, de la baston. Et au final, t'entends plus de les voir se battre pour rien. En plus, surtout que c'est très bien qu'ils vont quand même exploser, c'est con. Donc voilà. Ensuite, il y avait l'énigme de Red Hood. Attends, je vais parler maintenant en fait de Futures End. Comme ça, ça fait la transition. Ouais, attends, t'as raison, c'est mieux. En plus, il fallait que je le fasse, c'est vrai que j'avais lu ça. Juste, j'envoie un texto. Et puis après, putain, l'autre, il envoie un texto, s'il te plaît. Montre-moi ta chatte. Non, pas de vulgarité ici. En fait, c'est toi le Finder de. Montre-moi ton citron vert. Alors, en fait, Futures End, donc, c'est une aberration. Déjà, on a une conclusion sur. Comment ça s'appelle? Sur une des intrigues pas très intéressantes avec Frankenstein et Amestis, là, je crois qu'elle s'appelle. Donc, ça, c'est pas extraordinaire, on s'en fout un peu. Ensuite, on a la conclusion donc, de Superman qui affronte Brainiac. Oh ouais. Donc, je vais pas spoiler, mais bon, bref. Voilà, et en fait, l'autre conclusion, le truc le plus intéressant en fait, qu'on voyait de temps en temps, donc c'était donc Batman Beyond qui était revenu dans le temps pour sauver le monde entier, mais en fait la fin elle est tellement ouverte que il n'y a pas de fin en fait. Bah, c'est normal, c'est pour que tu lises le titre Batman Beyond qui Ouais, non, est la mais suite en direct. c'est pas ça la vie. Moi, j'ai un Future Zen, il y a marqué Ça en la gros, vie. tome 4, dernier tome, machin, de la série. Moi, je veux une putain de fin, quoi. Donc, en fait, je peux pas spoiler, mais bon, on sait pas ce qui se passe à la fin, voilà. Bah si, t'as qu'à dire, tu peux spoiler. En plus, ce qui est génial, c'est que Bah, tu tu sais quoi, je vois, vais spoiler, quoi. Ben, à la surtout que fin. la politique française ne va jamais publier Beyond. Donc les gens, les gars comme toi, tu vois, qui n'ont pas envie de lire ce titre en VO, qui n'ont pas les moyens de le faire, ils se retrouvent sur un putain de titre où ils se disent putain, mais c'est quoi la suite? Non, mais en Ils ne le plus de sont ça, jamais. genre même s'il y avait Beyond, je l'aurais pas acheté. Beyond, là, c'est ma Ouais, mais ils priorité. auraient pu le joindre ou quoi, par exemple, tu vois, ou genre faire la suite. Ils auraient pu faire un truc convenablement, surtout qu'ils avaient quand même des mois de Oui, retard voilà, par rapport à la à la V. rigueur, oui, à la rigueur urbaine, ils auraient pu faire ça, faire l'effort et mettre ça, mais même Surtout que le d'ici. titre, en fait, la fin, c'est, je pense, c'est les 3 ou 4 premiers numéros de Beyond, donc ils auraient pu même le joindre à Future Ends Tome 4, mais Voilà, ouais. à la rigueur faire ça, ou que d'ici ils mettent la fin dans l'event et pas dans un truc qui a rien à voir, quoi. Parce Bon, qu'en mais fait, ça, je pense que c'était surtout pour vendre le titre Beyond, parce qu'avant, c'était pour vraiment lancer le titre, je Ouais, pense, mais qu'ils croyaient. tu fais pas un event de 40 numéros pour lancer une série en plastique derrière, quoi. Bon, la série est pas mal. Ouais, mais bref. Donc la fin, en gros, je vais spoiler. Ben, retour à la case départ. Il se retrouve là où là d'où il est venu. C'est toujours la merde. Et il dit, ce n'est que le commencement. En gros, voilà, il va faire la guerre à l'œil. Voilà la fin. Donc on s'est tapé 40 numéros pour rien. Et à la fin, il meurt. Mais attends, Attends, pars pas. Ah ok, je m'as fait peur. Donc voilà, je vais essayer je déconne. de revendre ma collection entière, quoi. Parce que c'est abusé quand même. Il y avait des trucs cool, mais globalement, enfin, si c'est pour avoir ça, c'est pas correct, quoi. C'est pas une conclusion. Bah donc clairement, DC, ils ont fait ça, ouais, clairement, pour lancer leur titre Beyond, qui est pas mal, mais le problème, c'est que ouais, Urban, ils ont encore plus mal géré que DC, vu que je pense qu'ils vont jamais publier la suite Ouais, Beyond. c'est Et clair. en plus, les gens, même le gars qui, s'il le publie dans 2 ans, bah, le gars qui aura lu Future Ends, il aura oublié, il sera juste frustré d'avoir jamais vu la fin, quoi. C'est sûr. Donc voilà. Bah vas-y, bah poursuivons sur l'énigme de Red Hood là. Ouais, donc voilà, en fait, à l'époque, je l'avais lu vite fait en kiosque Panini, il y a longtemps, puis j'avais vu surtout l'animé, et en fait, ouais, c'est une histoire sympa, etc., mais ça n'apporte réellement. Si vous avez vu l'animé, ben, le comic, ça se ressemble fort, etc., c'est sympa à lire, c'est un peu, ça s'emboîte bien avec Batman Silence, et ouais, c'est quand même une bonne histoire de Batman. Maintenant, le truc, c'est que comme tout le monde maintenant sait que Red Hood, c'est Jason Todd, il n'y a pas vraiment de suspense, je veux dire, à l'époque. Et au moment où on l'a lu, on se dit, c'est qu'il y a ce personnage, etc. Il y avait un peu d'enquête autour, puis c'était bien ficelé pour l'époque. Maintenant, le jour d'aujourd'hui, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas été subjugué par. Il est gros le tome, il y a combien de pages? Il y a combien de pages? Je vais te dire ça tout de suite. Il y a 512 pages. Ouais, c'est gros aussi. Alors à la Oh fin, donc putain, 500 pages pour ça? Ouais, parce qu'à la fin, il y a toute une partie, il y a peut-être 200 pages, où c'est Red Hood, ouais, 144 pages, The Lost Day. En fait, c'est un peu tout ce qui se passe, c'est histoire parallèle. En fait, c'est les flashbacks de l'histoire, mais en plus long, quoi, tu vois. Donc tu vois qu'il n'est pas vraiment mort, Et qu'il donc est ça. entraîné par Talia, etc. Enfin, c'est totalement dispensable, quoi. Parce que l'anime, il était bien. Tu conseilles mieux l'anime ou la BD en fait? Franchement, pour le prix, l'anime, quoi. D'accord. Ok. Parce que c'est sympa et tout, mais pour 35 balles, la ligne, tu l'as vu, t'as tout vu, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Ouais, j'ai bien fait alors d'être resté sur l'anime. Et en plus, ouais, l'anime, je pense qu'il est même un peu. Il me semble que la fin sur l'anime est un peu plus puissante que. Il y a parfois. Je trouve que la réaction ressort plus sur l'anime que dans le comics. D'accord. Bon, franchement, ouais, c'est pas vraiment la. C'est bien à Urban de la publier et tout, mais c'est pas vraiment le truc que je conseillerais absolument d'acheter, quoi. D'accord. Ensuite, il y avait ben, Batman et Robin Eternal, tome 1. Et Ouf. ça, j'ai vu que beaucoup de monde avait critiqué, dont certaines personnes ici. Ben, bon, j'ai plutôt bien aimé. J'ai préféré, en tout cas pour le moment, ça à Batman Eternal de la dépasser. Je trouve qu'en volume, ça s'est bien lu et je n'ai pas du tout lu en VO. Et je trouve ça sympa un peu de voir les sidekicks en Batman et puis d'en apprendre de plus en plus sur cette fameuse histoire avec Batman et maman. Ouais, Donc mais voilà. c'est peut-être parce que c'est le début, peut-être qu'après ça devient relou, non? Non, moi Peut-être aussi. j'avais lâché dès le début, mais c'est, je pense que c'est le côté hebdomadaire qui passait pas sur cette série-là. Ouais, Ça parce suit qu'à peut-être l'époque. mieux en un tome. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, Eternal, premier du nom, j'avais pas du tout aimé en hebdo. J'avais mieux aimé les 3 premiers volumes en TPB, mais par contre, le volume 4 d'Eternal, c'est de la merde. Mais bon, j'ai dit j'espère. Mais là, c'est qu'en 2 tomes, donc je me dis c'est pas trop tiré en longueur, donc il y a moyen que le tome 2 soit aussi bon que le premier, quoi. En tout cas, j'espère. Après, c'est beaucoup centré quand même sur Bluebird. Donc, Bluebird, ouais, elle a. Harper Row. Harper Row, voilà. Harper Row, ouais. Voilà, ça, je pense que ça suffit. Ouais, non, c'est sympa, etc. C'est, franchement, ça fait. Pas, le prix, ouais, parce que c'est 296 pages pour 22,50 €. On est en France, là, s'il te plaît. Ça fait combien en conversion en page française? Donc 296 pages. 296. D'accord. 296. Okay. Pour 22,50 €. Et donc ça contient les numéros 1 à 12 de Batman Eternal, le tome 1 qui est paru aux US et qui est terminé, je crois, depuis un moment. Ouais, ouais, c'est ça. Ce sera 26 issues, ouais. Ah, ça, ils ont fait court. Ouais, ils ont fait court, donc c'est pour ça que j'ai bon espoir, parce que j'ai passé un bon moment, j'ai pas été saoulé par trop d'histoires déjà dans celui-là, ça reste fort concentré sur un seul thème, comparé à Eternal, où t'avais, je pense, 78 histoires dans deux issues, enfin, c'était un peu tendu. Ok, t'as pas lu du coup Justice League tome 9 en fait? Non, parce que je l'avais lu à l'époque. Justice League tome 9, c'est Dark Side War, partie. Ouais, ouais, les 1 an, parce que j'ai déjà lu en. Ah bah, y a en single. Il y a une critique à venir sur le blog là qui va pas tarder à sortir, mais moi je l'ai lu, ouais, il y a quoi, il y a 5-6 épisodes, ouais, je les ai lus d'une traite, quoi. C'est vraiment vraiment intéressant. De toute façon, on avait tous aimé ici, hein. On en avait parlé, ouais, à chaque fois. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Grosse histoire, grosse mise en place. Donc, et Fabok. Ouais, Fabok, il est magistral. Même Jeff Jones au niveau de l'histoire, il se cave, il monte un méchant truc. Donc, vous lirez la critique, mais moi je le conseille fortement. Ben, toute l'équipe s'associe à moi pour conseiller cette lecture à tout le monde. C'est mon tome préféré en Justice League, en New 52. C'est pas difficile. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Ok, ben on va passer à la dernière rubrique, les reviews VO. Donc là, j'allais dire, oh, mais non, vous avez presque tout lu, les gars. Donc on va commencer. J'ai tout lu, moi, c'est bon. T'as moi tout aussi. Lu, d'accord. Tout lu. On va commencer par Justice League 50 et 51 Spectra. Si j'ai bien compris, c'est des numéros un peu dispensables, non? Non, le 50, c'est la fin de la Dark Side War. Le 50, ouais, c'est la fin, donc c'est 51 et 52, ouais, il a pas lu. Ok. Vas-y, ben, t'écoutes, Spectra, poursuis sur la Dark Side War. Donc la fin épique de la Dark Side Wars dans un numéro extrêmement, extrêmement dense, où il se passe plein plein de choses, et que j'ai lu il y a un moment, et dont je ne me rappelle plus trop. Mais... En tout cas, qui fait le lien après sur DC Rebirth. Et non, enfin, franchement, le numéro, c'était juste de la tuerie, quoi, de la bonne baston, hyper bien dessiné, et puis des plein, enfin, ouais, l'arc est vraiment vraiment bien terminé. Jones a vraiment fait un truc assez magistral là-dessus, je trouve. C'est quand même étonnant le décalage entre le Jones des débuts de la Justice League et là sur ce Dark Side War. Donc numéro 50, de toute manière, même si les souvenirs me revenaient, j'en parlerai pas trop pour pas spoiler non plus, mais voilà. Franchement, un numéro génial. Après, le numéro 51, c'est un numéro qui est largement dispensable, qui est écrit par Dan Abnett, me semble-t-il, et qui parle un peu des débuts de la Justice League au travers du rock, qui était à l'époque Dick Grayson. C'était franchement, franchement pas fameux, quoi. Puis les dessins de Pelletier, en plus, enfin, j'ai vraiment du mal à être dessinateur. Ouais, c'était un peu une punition. Le 52 était un poil plus intéressant. Bah, Cédric, on t'écoute sur 52. Ouais, le 52 qui est centré. Bah, il est plus intéressant parce qu'il fait suite directe au Justice League 50 et il est centré sur le nouveau, sur Lex Luthor et son nouveau statut. De membre à part entière de la Justice League avec des pouvoirs, il est nettement mieux que le 51. Ça reste un numéro dispensable quand même, hein. C'est vraiment, on sent que DC a voulu sortir deux numéros pour arriver à 52. D'accord. Mais tu conseilles d'aller jusqu'au 52 ou de s'arrêter au 50 alors? Ah bah, si Urban décide d'arrêter en les publications VF au 50, c'est pas bien grave, honnêtement. D'accord. Après, ça, les deux numéros se lisent bien, hein, c'est plaisant, hein, mais c'est pas essentiel. D'accord. Ben on va passer donc au gros du truc, hein, finalement. Donc le DC Universe Rebirth numéro 1, attendu par tout le monde. Tout le monde l'a lu. Je l'ai lu aussi. Donc avec le retour d'un personnage important qui a la classe. En plus, il s'appelle comme moi. Donc on va spoiler direct. Hein. T'en fais on pas, pourra Jérôme, pas en parler. Toi. Non. C'est qui, il s'appelle Jérôme. C'est qui, j'ai plein Jérôme, de blagues différents, les gars. Mon prochain blague sur Facebook, vous allez même pas comprendre d'où il vient. Donc le retour de Wally West, donc qui arrive. En fait, le numéro, c'est un peu un numéro de teasing qui sert d'introduction à toutes les séries qui vont sortir. Donc on le voit débarquer. Il nous explique en quelque sorte que l'univers de DC a perdu 10 ans, mais pas que. Ça a aussi perdu l'amour, l'héritage. Nanana, toutes ces belles vertus que nous nous devons de partager et de chérir ensemble. Et donc on le voit. On l'a bien vu sur le podcast. Dis le mec qui chie sur Darwin Cook, quoi. Je suis pas sur lui, le coup. Et donc Le mec est monstre, sale pleutre. Et donc voilà, le mec il apparaît, il disparaît, donc il va voir un peu tous les personnages. On a une connexion avec la fameuse lettre qui avait donc au début de Flashpoint que Barry donnait à Bruce Wayne. À la toute fin de l'épisode, qu'on avait vu même Bruce qui versait quelques larmes. Tout est lié. Tout est lié. Et donc, ben voilà, donc finalement, en fin de compte, comme je disais, il apparaît et disparaît parce qu'il n'arrive pas à revenir vraiment sur Terre. Et en fin de compte, grâce à un flash, grâce à Dieu, Barry Allen arrive à le prendre dans ses bras et à se rappeler de lui. Et donc, Wally West is back donc, dans l'univers DC. Ça nous tease aussi une grosse menace. Alors, qui veut prendre la suite ? C'est chaud là, non, t'es chaud. C'est trop. Moi, je voulais parler plutôt. Ah bon, on viendra sur ton menace, mais moi, ce que je voulais dire, bon, déjà, c'est que le numéro est incroyable. This is amazing. C'est le meilleur numéro des New 52, ne fait pas partie des New 52. Mais ce que je voulais, moi, sur ce dont je voulais surtout parler, c'est le fait que ce numéro nous tease deux séries qu'on n'a pas encore dans Rebirth et qui ne sont pas encore annoncées. JSA ? C'est la JSA et la Légion. Et qui font partie des deux séries que moi j'attends le plus. Donc je pense qu'on aura ça, avant la fin du Rebirth dans les 2 ans. On aura une série JSA et une série Légion. JSA, ils en avaient déjà parlé, je crois. Elle a été annoncée, mais pas encore de date, non ? Ouais, pas de dessinateur encore. Moi, j'ai pas entendu l'annonce, mais en tout cas, on sait aussi que Fabok n'a pas de boulot en ce moment, mais qu'il reste chez DC, donc. Non, mais il avait annoncé. Ils avaient dit qu'il y aurait une série de JSA, mais ils avaient pas dit la date ni les dessinateurs, mais ils en avaient parlé. Ouais, ça, c'est sûr. Mais Légion, ça, ils ont pas annoncé. Légion, non, ça, ils ont rien dit. Mais JSA, c'était prévu, ouais. Ouais, et donc, la grosse menace, ce serait donc les Watchmen. Ouais, Watchmen. Est-ce vraiment une menace ? Je sais pas si c'est vraiment présenté comme une menace. Et d'ailleurs, c'est pas les Watchmen, c'est le Docteur Manhattan dans les Watchmen. Ouais. Bah, il y a le badge du comédien aussi. Il y a le badge du comédien, oui, mais la menace donc dont parle Wally, est-ce vraiment une menace ? Enfin, cette personne qui jouerait avec le temps serait le Docteur Manhattan. Bah, ils l'auront quand même volé 10 ans. Ouais. Donc pourquoi, comment, tout ça. Et sinon aussi important, la révélation un peu en autre boudin mais bien jouée de. Concernant le Joker, ce qu'ils avaient annoncé, qu'ils révéleraient l'identité du Joker, et ils l'ont entre guillemets fait. Alors, ils sont un peu foutu la gueule, ils ont un peu joué avec les fans, mais je trouve ça pas plus mal non plus ce qu'ils ont fait. Je sais pas si vous avez bien aimé ou pas ce qu'ils ont fait du Joker. Moi, ça m'intrigue en tout cas. Je sais pas trop quoi en penser, je vais voir comment les auteurs vont s'accaparer ça par la suite, mais en tout cas, ça fonctionne. Moi, ce qui m'a amusé, c'est le fait que quand ça a été annoncé qu'on allait savoir qui était le Joker, on a vu Internet se diviser en deux avec des gens, mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de le savoir. Et quand on a eu la révélation qu'en fait, on savait toujours pas qui c'était, les mêmes criaient, mais c'est un scandale, on nous annonce qu'on va savoir qui c'est, et on nous le dit pas. Ouais, mais ça, le seul truc que j'ai trouvé marrant, je sais pas si vous avez remarqué, c'est quand, je sais pas si c'est dans Rebirth ou dans Batman Rebirth 1, c'est. Genre ça fait, je sais pas moi, 20 ans que Batman il est en activité, mais c'est la première fois que le gars il capte qu'il y a deux Jokers en activité au même moment. Que je sais pas, c'est Alfred qui lui dit qu'il y a un Joker qui va être arrêté, qui est à la prison de, je sais pas moi, Arkham, et puis en même temps il dit ah c'est bizarre parce qu'il y a le Joker qui va être repéré, occupé à braquer un magasin à 200 000 km de là. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Mais ça m'a fait rire parce qu'en fait, maintenant qu'il y a la révélation, bon, d'un coup, ils réalisent qu'il y a deux jockeys alors que les mecs, ça fait 30 ans qu'ils existent, en fait, les trois. Donc, j'ai trouvé ça juste un peu marrant. Un peu facile, ouais. Ouais, un peu facile. En un coup, sinon, ouais, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont en faire et je trouve ça sympa. Et en même temps, c'est vrai qu'ils ont vraiment pris les trois jockeys qui ont un peu, entre guillemets, marqué l'histoire de Batman. Et donc, ouais, c'est pas plus mal. J'espère qu'on aura des réponses aussi hautes que dans 10 ans. Bah, parce qu'évidemment, forcément, ils vont tirer dessus, quoi. Non, je sais pas, parce que si tu. Enfin, on va en parler après, mais les séries Titan et Flash font énormément référence à ce qu'on voit là-dedans. Bah, Flash Rebirth 1, maintenant, après Flash 1, ça. Ouais, ça beaucoup moins, ça part sur autre chose, normal. Ouais, ouais. Maintenant, Titan Rebirth 1, ouais, maintenant, Titan, ça a l'air de partir plus là-dessus, vu qu'ils font suite à Titan 1, puis aussi, clairement, leur objectif, c'est de retrouver cette personne qui leur a volé 10 ans, quoi, et leurs souvenirs. Ouais. Ouais. Maintenant, on va voir. Forcément, je suppose qu'il y aura des arcs pour être coupés, parce que si comme Wally l'a dit, ça va durer 2 ans, donc je suppose que la finalité arrivera dans 2 ans avec l'affrontement de cette menace, quoi. Ouais, on aura un DC Universe Rebirth 2 ou quelque chose comme ça, ouais. Conclure le bordel, ouais, c'est clair. Ah, c'est pas plus mal, je trouve, s'ils font des trucs en. Ça me dérange pas qu'il y ait un relaunch tous les X années, mais du moment que ça c'est vrai qu'il n'est pas comme chez Marvel, où ils font quand même des relaunchs, tu sais même plus pourquoi ils font un relaunch, les mecs. Ouais, après, si c'est planifié que c'est une histoire globale écrite sur 2 ans et qu'il y a une cohérence, ouais, c'est sûr, pourquoi pas, quoi. Surtout pour le moment, la qualité des titres dans la majorité. Ouais, bon, après, on va pas s'enflammer, hein. Il y a 2 numéros qui sont sortis sur chaque série, faudra voir avec le temps. Mais... Quoi. Ouais, mais justement, dans les New 52, il y avait. Pas beaucoup de numéros qui étaient... C'est vrai. C'est prometteur, on va dire que c'est prometteur. C'est ça. Vin, tu vas poursuivre donc sur Batman Rebirth et Batman 1. Oui, voilà, donc Batman Rebirth, j'attendais vachement ces numéros de King. Maintenant, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça sensationnel. Comme j'avais dit par écrit, j'ai trouvé ça sympa, mais il s'y passe pas grand-chose. Je trouve l'histoire avec le Colin Anderman dans Batman Rebirth 1, enfin, je m'en tamponnais un peu. J'ai trouvé ça cool qu'il fasse le lien avec Duke. Maintenant, son costume, je sais pas si vous en pensez quoi du costume. Moi, perso, je le trouve à chier. Maintenant, c'est pas plus mal non plus. Le Rebirth, il a été écrit en collaboration avec Snyder, je crois, en plus. Hein. Ouais, en plus. Mais ça se ressent un peu, d'ailleurs. Ouais. Mais le costume de Duke, vous en pensez quoi? Mais en fait, peu importe, j'ai envie de te dire, puisque Duke, on le verra à peine dans Batman, on le verra surtout dans All-Star Batman, si j'ai bien compris. Est-ce que Snyder veut se le garder pour lui? C'est fort probable, parce que c'est vrai que on voit en tout cas la révélation du costume, qui est pour moi que je trouve horrible. Maintenant, je préfère qu'il devienne un autre personnage plutôt qu'un Robin, parce que des Robins, il y en a déjà tellement qu'un plus c'était pas vraiment utile. Mais c'est vrai qu'on voit le costume, si je dis pas de bêtises, on ne le voit même pas en costume. Et dans Batman 1, au final, il n'y a pas de. Tu le vois même pas, à un moment, il propose, il dit je peux venir t'aider, il lui fait non, ça va rester à l'ordi, guide-moi juste. Donc voilà, le tome 1, le Rebirth 1, pour moi, il était fort dispensable, enfin comme beaucoup, mais c'est l'un des Rebirths que j'ai le moins aimé. Parce que. Bruce Wayne, il se la raconte dans. Ouais, il se la pète beaucoup, etc. C'est pas vraiment le Bruce Wayne qu'on connaissait. Ça fait très Grayson. Cette scène, elle fait très Grayson. Ouais, c'est vrai, surtout tout plein de transpiration, etc. Ça fait très Grayson. Il aime bien Tom King. Fait revenir ses personnages. Puis c'est le même dessinateur en plus, non? C'est pas Michael Fanning. Ouais. Maintenant, le tome 1, par contre, le 1, j'ai un peu mieux aimé. C'est vrai que je trouve qu'il se passe de nouveau pas grand chose, mais c'est beaucoup plus blockbuster. Ouais, c'est du classique, quoi. C'est du grandiloquent. Et le mec, il est sur un avion tranquille et tout ça, mais c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'avais pas trop kiffé. Après, je l'ai relu. C'est vrai que ça s'est dissimulé et tout, c'est sympathique. Et c'est, au moins, ça se prend pas trop la tête, quoi. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il y a. Deux pages et demie où il fait ses adieux, etc. Alors ça, je trouve que c'est un peu inutile, parce que c'est clairement qu'il va pas crever. Ouais. Surtout le numéro 1. Et alors la révélation de la fin, ça m'a bien donné envie avec le I am Gotham à la place de I am Batman. Ouais, le 1, j'ai trouvé cool, moi, c'était classique, tout ça. Comme tu dis, là, les deux pages où j'arrive à mourir, ça c'était bidon, ça avait rien à faire là. Après, peut-être qu'il y aura des trucs sur ça plus tard, j'en sais rien. Mais sinon, le numéro 1, classique, quoi. Un peu too much, mais bien écrit, ça, c'est passé crème, quoi. Juste les planches de dessin. C'est ce que j'allais dire, ouais, les planches de Finch, elles sont plutôt pas mal en plus, ça colle assez bien. Donc... Ça dépend. En fait, y a des planches qui sont pas mal, puis il y a des visages qui sont un peu foirés. Parce que ça, c'est son. Je trouve que Finch, des fois, il foire un peu les visages. Ouais, c'est. Genre, il y a une partie fabrique, où Gordon, ouais. Il est pas terrible. Ouais. Sinon, il y a certaines pages qui sont assez sublimes, ça, c'est vrai que. Mais je trouve qu'il était en tout cas plus. Il faisait un meilleur travail sur, à l'époque, le très mauvais The Dark Knight. Maintenant, j'ai quand même hâte de voir la suite, parce que c'est quand même un des titres phares et voir ce que King va en faire sur la durée, quoi. Comment est-ce qu'il a marqué le chevalier noir de son empreinte? Oh, c'est beau. Ouais. Ok, on va poursuivre donc toujours sur du Batman, sur Detective Comics 934 et 935, Cédric. Ouais, tu m'as pas demandé mon avis sur Batman. Pardon, excuse-moi. Je vais pas le donner parce que je vais m'énerver. Donc je vais enchaîner. Tu l'aimes Detective. Pas. Non, mais c'est intéressant. J'ai détesté Batman 1. J'ai trouvé ridicule au dernier degré. T'as un avion qui est sur le point de s'écraser, t'as Batman qui est au dessus d'un immeuble et dit oh mais je vais sauter, je vais aller prendre ma voiture, je vais aller plus vite que l'avion, et puis après je vais me faire éjecter. Hein. Oh mais il demande quand même de l'aide à Justice. Tu vois qu'il demande à Alfred de contacter tout le monde, mais personne n'est dispo parce qu'ils ont. Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Tu te retrouves avec Batman qui fait du rodéo sur un avion. C'est ça qui est bon. Ah là là, j'avais envie de déchirer le comics. sans parler des adieux, mais bon, ça tu l'as déjà dit. Enfin, j'ai détesté toutes les pages du comics. Mais bon. Donc, Detective Comics 934-935 par James Tynion IV, qui est le sous-fifre de Scott Snyder. Et je trouve que ça se sent vachement dans son écriture. Il aime avoir beaucoup de personnages, alors faire des longs monologues sans intérêt. Mais le titre, à ma grande surprise, m'a plutôt plu, parce qu'on voit beaucoup de personnages de l'univers Batman qu'on voit pas assez souvent, à part qu'on a eu dans les séries hebdo dont on parlait tout à l'heure, comme Batman et Robin Eternal ou Batman Eternal. Et donc cette série sera centrée sur Batwoman, qui va avoir une équipe de second couteau à ses ordres, qu'elle va devoir former pour protéger Batman quand Batman sera trop occupé. Et c'est plutôt cool de voir tous ces persos. La seule chose qui m'a... Donc les persos, il y a Red Robin, il y a Spoiler, il y a Orphan, donc l'ancienne Batgirl muette. Et puis il y a Clayface. Alors ça, c'est la seule chose que j'ai pas compris, c'est ce que vient faire Clayface dans cette équipe. Personne n'a compris. Mais en plus, c'est amené, mais en trois cases. Oh, mais on sent qu'au fond de toi, t'es un mec bien, donc on va te prendre dans l'équipe. C'est vraiment amené. Je te fais dans ma team. Mais bon, à part ça, Le titre se lit bien, je trouve. Je pense que je vais continuer à le lire. Mais c'est dans la lignée des séries Batman Eternal et Batman et Robin Eternal. Voilà. Ah, moi j'ai détesté, hein, là. Pour le coup, j'ai vraiment détesté, comme tu disais, chaque page de ces comics là. Ça m'a rappelé trop Eternal, Batman et Robin Eternal, et puis Tynion IV. J'aime pas du tout, son écriture, quoi. Et puis le. Ouais, non, le côté Batman Academy, j'ai pas accroché du tout, quoi. Je trouve ça dommage d'avoir confié Detective Comics à Tynion IV. Mais... Bah, ouais, c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui m'a... le 934, j'ai détesté le 935, je trouve qu'il passait mieux. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que Detective Comics, c'était plus à la base centré sur Batman, la police, les enquêtes, etc. C'était plus. Mais là, on a fait un truc de team-up où ils s'entraînent pour combattre une menace qu'ils savent même pas laquelle c'est au début. Et ouais, puis Clayface, j'ai rien compris à son délire avec Clayface. Franchement, lui, je sais pas pourquoi ils souhaitaient le mettre là, juste parce que je pense que ça fait trop cool de mettre un vilain qui devient gentil. Mais. C'est un peu comme Killer Croc, c'est au début des années 2000, je pense, qu'il y a eu un peu le même. Le même destin. Mais là, c'est amené tellement rapidement. Je me suis demandé j'ai pas lu Batman et Robin Eternal en entier, donc je me suis dit peut-être qu'il y a eu des pages là-dedans pour expliquer ça, mais apparemment non. Donc et la fin, la menace aussi, elle fait très Batman Arkham, je trouve. Enfin, je sais pas, les mecs sont inspirés plus mille des villas d'Arkham, si après ils nous sortent le chevalier Arkham, c'est pas possible. Ok. Juste pour conclure, ça c'est quand même 100 fois au-dessus de ce qu'on avait sur Detective Comics à la fin des New 52 par Thomas. Ah, Et même au début par Tony Daniel. Ouais, voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est solide. Voilà. Ok, on va passer à Green Lantern Rebirth et Green Lanterns 1 Spectra. Alors, Green Lantern Rebirth, du coup, on va suivre parallèlement Jessica Cruz et Simon Baz. Qui vont être réunis par Al Jordan et qui va faire de les protecteurs de la Terre. Le numéro est pas désagréable, c'est extrêmement joli, je crois que c'est Ethan Van Siver. Comme tout bon super-héros qui se rencontre, il commence d'abord par se friter et puis voilà, un jour ils deviendront amis, mais il y a une petite rivalité entre les deux. Qui est pas désagréable, c'est pas transcendant, mais ça passe. Simon Bass, c'est donc le Green Lantern, le rebeu qui avait été créé par Jeff Jones. C'est ça. Voilà. Et la meuf, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Jessica Cruz. C'est l'ancienne Power Ring, donc, de Dark Side War. Ouais. Voilà. Et bon, alors, moi alors, je à ma grande surprise, je trouve la série pas mal. C'est très classique, mais c'est du Green Lantern terrien, comme on a eu parfois avec Geoff Jones, avec les numéros. Ces numéros avec Hal Jordan quand il revenait sur Terre. Je pense que là, on sera uniquement sur Terre. Ce qui me fait marrer, en fait, c'est qu'à chaque fois que Simon Baz est mentionné, il y a toujours une page où ils vont parler de lui comme un potentiel terroriste. Donc, le rebeu aux États-Unis est forcément un potentiel terroriste. J'attends le numéro où Simon Baz sera mentionné sans qu'on dise, mais peut-être que tu es terroriste. Ou qu'il s'est sauté. Mais Jessica Cruz, je la trouve pas mal depuis sa création. C'est un personnage tout nouveau, hein, mais ouais. Je trouve qu'elle a vraiment du potentiel. Donc j'ai envie de suivre cette série pour elle. Simon Baz est toujours aussi nul. Ouais. Moi j'aime bien Simon Baz. J'ai toujours trouvé cool. J'aime bien Jessica Cruz, moi, mais Simon Baz, ouais, pour l'instant, il manque un peu de consistance. Bah, il a jamais été utilisé en fait. Ouais. Ouais, pratiquement. Ouais. James Jones, il l'a créé, après il l'a bazardé, et il redébarque maintenant, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tu le voyais dans le fond, dans Edge of Oblivion, par exemple, mais il disait rien, il faisait rien. Enfin, c'était toujours un second couteau. Donc là, enfin, il a sa série, on va voir s'il a du potentiel ou c'est juste un nouveau cyborg, quoi. Et le numéro 1, du coup, introduit la nouvelle menace que vont affronter ces deux Green Lanterns. C'est assez gore, d'ailleurs, hein. Ouais. Ah, ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est pas juste la menace. Moi, on l'a déjà tellement vu dans le New 52 cette menace que j'étais un peu déçu que ce soit eux. Mais sinon, ouais, l'histoire, je trouve que j'aime bien leur team-up aux deux Green Lantern. Et puis, comme on vient de dire, ben, ça se passe sur Terre et tout, ça change un peu. Surtout qu'on aura la série Hal Jordan et les Green Lantern Corps qui lui sera plus dans l'espace. Ouais, mais qui sera par Venditti. Ouais. Ouais, ça, ouais. Ça n'a pas de prix. Qui sera à éviter à tout prix. Eh ben, je me sacrifierai et je le lirai. Fais donc ça, ouais. Ok, on va passer à Superman Rebirth et Superman Unvinge. Oh, ça fait trop longtemps que je les ai lus, donc je sais plus ce qu'il y a dedans. T'es sérieux? Non. Superman Rebirth, ouais, je me rappelle, donc c'est ça fait que parler en fait. Ils font que parler ouais, ça pendant fait que parler, ça se 24 passe, c'est donc le Superman Superman entre guillemets qui ouais. Décide d'aller ressusciter le Superman décédé et du coup il tombe sur Lana qui est occupée qui veut rendre un homme qui veut faire quoi, elle veut l'emmener auprès de ses parents, là-dessus ils discutent, etc. Enfin, il parle, on s'en fout un peu en fait. Au final, il lui dit, ouais, moi je viens d'un autre monde, et il lui déballe sa vie, genre en mode normal, ça fait 2 ans que le gars il se cache et tout, mais là il a plus rien à foutre, il déballe sa live. Il lui fait, moi je vais le ressusciter parce que moi je suis déjà mort et tout, donc ils partent à la forteresse de solitude. Il demande après l'appareil qu'il avait ressuscité après Doomsday, mais du coup, en fait, il lui dit, ah, mais ça n'existe pas ici. Le gars, ben. Parce que le Superman, comme tu vois, il faut quand même que l'autre il reste mort, ben, il fait, oh, ben, c'est pas grave, tant pis, alors je vais pas chercher plus loin. Et du coup, ils vont l'enterrer près de ses parents. Et voilà, c'était un bel hommage. Je veux dire, c'était beau, c'était bien parce qu'ils disent au revoir. Alors, c'est Superman, enfin, au Superman New 52, ils clôturent l'histoire, comme ça. Je veux dire, pour le moment, en tout cas, on va peut-être plus trop en entendre parler. Et comme ça fait vraiment le passage de flambeau, l'ancien est mort. Le nouveau est mort et l'ancien revient. Ouais, le nouveau est mort et c'est l'ancien qui revient, qui reprend le. Qui va reprendre l'histoire. Et alors Superman 1, ben, j'ai bien aimé le numéro, mais ça se concentre plus sur le fils John, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, okay. Donc c'est se concentre plus sur son histoire à lui. Ça. Donc on voit une tranche de vie des Kent, et que ça, c'est sympa. Puis l'autre, il va dans les champs parce qu'il veut apprendre avec ses pouvoirs avec son père, mais du coup, il y a un aigle qui vient voler son chat, et là, il se passe quelque chose de terrible qui vous sera révélé dans le prochain épisode de Flashpoint. Ouais. Non mais c'est quand même un événement majeur. Donc en fait il y a ses pouvoirs qui se déclenchent et il tue l'aigle, mais du coup il crame le chat avec, et une fille le voit. Donc ça c'était un peu voilà. Donc le gars il est avec son chat et tout le collier, tu te dis oh putain il va te buter son chat en mode normal. Il rentre chez lui un peu en chialant. Après il y a la fille qui vient et alors après raconte pas tout le numéro quand même. Non mais là c'est important. Il y a la fille qui vient et tout, ça, on est copains et tout. Là dessus Lois Lane elle dit ah, c'est la petite copine de mon fils, c'est la barbe, la petite copine de mon fils. Ah, je sais, non, oui, mais allô, quoi, le mec, ça se trouve, il est gay. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais que ton fils de fils, il est. C'est quoi ce féministe de merde? Ça se trouve, son fils, il est gay. Tu sais pas. Et bam, c'est quoi cette politique de merde de te dire que le gars, homme, bam, directement une fille, ils doivent être ensemble. Il a 12 ans ou 11 ans, je sais pas. Un grand malade. Ouais. Un grand malade. Putain, grave. Non, voilà, tout ça pour dire que c'était un numéro sympa, etc., qui se concentrait plus sur John et qui utilisait un peu le Super Son, je suppose qu'on aura plus tard. Ouais. Et c'est voilà, c'était un numéro sympa, etc. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans Action Comics, qui est vraiment énorme pour ma part, je trouve. Mais ouais, Superman, c'était vraiment un peu plus cool et ça pose des bases tranquilles de l'univers de Superman. Et pour vraiment la dose d'action et de suspense, on a Action Comics 957 et 958. Je laisse la parole à Cédric. Ouais, vas-y, Cédric, si tu voulais dire un truc sur Superman 1 et Superman Rebirth, ou même Spectra, vu que t'as tout lu. Y a que moi qui parle de ça. Vas-y. Superman Rebirth, en fait, tout simplement, c'est le résumé de Death of Superman. Donc, si vous l'avez lu, il y a rien de plus dedans. Et Superman 1, j'ai bien aimé. Je trouvais ça sympa, hormis cette sombre question de la sexualité de l'enfant, qui est pour moi une aberration et un scandale profond. J'ai écrit une lettre de menace quand même à DC, parce que ils sont qui pour décider de la sexualité de... Mais Thomasy, mais qui est rétrograde, mais enfin, voilà quoi. Vous êtes des locaux. Bah vas-y, continue, Cédric. Action Comics 957 et 958. Bah ouais, donc Vinch a tout dit. Superman, c'est sympa. Action Comics, c'est le top. Dan Jurgens, voilà, le boss sur Superman. Et il revient sur Superman. Et... Il était déjà sur Superman Lois et Clark, donc il reprend la série là où il en était. Et c'est aussi la suite de Justice League 52, dans lequel on avait Lex Luthor qui revenait sur Terre, Lex Luthor persuadé qu'il est le nouveau Superman, car il a les mêmes pouvoirs que Superman, et Superman est mort, donc pourquoi pas moi, quoi. Donc le seul problème, c'est que le Superman pré-Flashpoint, lui, il sait qui c'est Lex Luthor, il le supporte pas, donc il est hors de question pour lui de voir Lex Luthor avec les pouvoirs de Superman, donc il veut absolument le détruire. Donc grosse baston entre les deux, jusqu'à ce qu'une autre menace arrive. Là, par contre, j'étais un peu déçu, c'est un peu comme pour Green Lantern, c'est une menace tellement classique dans l'univers de Superman, ça m'a un peu déçu, mais donc on voit Lex Luthor et Superman s'allier pour affronter cette menace que je ne vais pas nommer. Mais pour moi, c'est clairement mon titre préféré pour l'instant Rebirth, c'est Action Comics. Bon, maintenant, tu dis pas la menace, mais la menace, tu l'as dans tout le titre 958, donc... On peut dire qui c'est, alors ? Je suppose, non. En plus, je pense qu'il est en cover, non ? Spoiler. Bah, allez-y, dites-le. C'est Doomsday. Mais du coup, c'est pas le même Doomsday que Superman avait tué et qui est à la base de Doomhead, etc. C'est le Doomsday de la mort de Superman. Qui revient dans le même costume qu'il avait dans la mort de Superman. Du coup, mais outre le fait qu'il y a des grosses scènes de baston, ce que j'aime bien, c'est le fait d'où ce Doomsday il apparaît, vu qu'on voit qu'il est transporté, etc. Donc quelqu'un le possédait. C'est ça. Pourquoi, qui, etc. Puis alors il y a surtout aussi un autre Clark Kent dans la foule. Voilà. Et qui apparemment est persuadé, il ressemble à Clark Kent, il est persuadé d'être Clark Kent, mais il ignore tout que Clark Kent et Superman étaient une seule même personne, visiblement. C'est ça. Ça, c'est non, c'est vraiment intéressant. Bon, je voulais éviter de trop en révéler, mais bon, maintenant que c'est fait. Non, mais il y a vraiment beaucoup de sous-intrigues dans l'intrigue principale. C'est pas du tout un numéro où il y a que de la baston. C'est un comics où il y a beaucoup de choses. Comme quoi, c'est possible de faire des comics de 20 pages où il se passe beaucoup de choses. Et sans que ce soit chiant et verbeux. Vu que franchement, et en plus, le combat est pas du tout répétitif et il est super bien mis en scène, franchement. Puis les dialogues en plus qui accompagnent l'action et qui servent l'histoire, franchement, c'est vraiment du. Ça faisait tellement d'années qu'on n'avait plus du Superman. Là, on arrive à un niveau tellement. Franchement, ça fait plaisir en tout cas. C'est vraiment dans la lignée de ce qu'il faisait sur Superman Lois et Clark. Je sais pas si tu l'as lu la série Vinch, je sais pas si c'est prévu que ça sorte en français, mais donc ça Non, mais série, je l'ai lu en VO. Ah, ok. Ouais. Parce que je pense que le temps que ça sorte en VF, j'ai le temps. Ouais. C'est toujours aussi bien, quoi. Ouais, vraiment des meilleurs titres de Rebirth hein, pour le moment, Action Comics. Ok, ben on va passer à Aquaman. Au pire titre de Rebirth. Ouais. Aquaman Rebirth. C'est le pire titre pour toi, Spectra ? Ah ouais, pour moi largement. Putain, ouais, c'est... Ouais, je continuerai pas, je m'arrête au numéro 1. Donc Aquaman Rebirth et Aquaman 1. Donc ouais, qui veut se lancer ? Il y a pire que ce titre-là, donc j'y vais. Donc c'est Dan Abnett au scénario. Alors c'est une série... Ce qui est un peu décevant pour moi, dans le sens où ça se concentre encore une fois sur l'affrontement entre le monde sous-marin et le monde terrestre avec Aquaman qui entre les deux. Ça, c'est vrai qu'on l'a déjà vu mille fois, ça commence à bien faire. Et c'est d'autant plus décevant parce que il avait lancé les bases pour moi de ce que devait être la série à la fin des New 52. Il était arrivé juste avant la fin sur 3 ou 4 numéros et il avait notamment intégré Mera beaucoup plus dans l'histoire. Elle servait pas juste comme potiche et elle devait faire le rôle d'ambassadeur. Elle avait un nouveau costume, elle avait un rôle très intéressant, elle était très bien écrite, très rigolote. Et Aquaman était là pour les scènes d'action. Et là, on retourne sur la série avec le même méchant qu'au début des New 52, avec les mêmes problématiques. Oh là là, les humains sont méchants avec nous alors qu'on est sous-marin et inversement. Donc c'est un peu décevant, mais je trouve pas ça si mauvais que ça. C'est un peu caricatural. Quoi. Voilà. Aquaman 1 est dégueulasse aussi. Ah, le dessin, c'est pas très beau, ouais. Graphiquement c'était déjà pas joli et puis j'ai trouvé ça un peu trop prolixe quoi, c'est à la limite de la logorée, j'ai pas accroché du tout et puis ça faisait vraiment redite mais jusque dans les plaisanteries, les running gags et compagnie, c'est un peu la même chose. C'est décevant de ce côté-là, ouais. C'est un sous Geoff Jones. C'est ça, c'est vraiment la sensation que j'ai eue quoi de lire du sous Jones. Mais je pense que si j'avais pas lu le run de Geoff Jones, j'aurais apprécié ce numéro. T'as l'impression qu'en fait, comme Aquaman, ça a plus marché depuis que Geoff Jones a quitté le titre, ils se sont dit putain, et si on faisait comme lui? Ouais, ouais. Plus la même chose avec deux, trois trucs qui diffèrent, ça va de nouveau fonctionner. Et là Didier, il s'est dit putain, toi, t'as une bonne idée. Tu vas écrire le titre. Et voilà. Ouais. Voilà, c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus, je pense, mais on peut enchaîner sur ce qui pour moi est le pire titre de Rebirth. Voilà, il va y avoir une baston là alors, parce que Vince il a surkiffé Green Arrow. Je suis pas surkiffé, j'ai trouvé ça sympa. Ah, dans ta petite review sur le blog, t'as quand même dit que c'est ton petit coup de cœur de la semaine quand même. Il s'assume pas. Donc Green Arrow Rebirth et Green Arrow 1, donc Spectra, vas-y pour le... Donc j'ai l'immense plaisir de me retrouver du coup entre l'enthousiasme débordant de Vinch et puis le dégoût profond, l'aversion profonde. Ça parle bien ce soir les gars, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce qu'on a tellement raconté n'importe quoi au début qu'après je me suis dit on va quand même rééquilibrer et faire péter un peu le dictionnaire. Ouais mais faites gaffe parce que moi je comprends pas tout. Hein. Vas-y Spectra. Oui, alors Green Arrow Rebirth fait Green Arrow numéro 1 qui nous décrit un Green Arrow un peu plus à l'ancienne, qui déjà retrouve son fameux book et qui traite principalement de ses retrouvailles entre guillemets parce qu'il n'en a aucun souvenir, mais en tout cas de sa relation avec Black Canary. Et ils vont enquêter sur la disparition de personnes avec une potentielle menace, une espèce de pseudo-cours des hiboux. L'histoire, je l'ai vraiment pas trouvé terrible. Hein. Pour moi, ça reste aussi naze que ça l'était avant Rebirth. Par contre, graphiquement, c'est vrai que ça t'en met vraiment plein la gueule, je trouve. Hein. Ça fait presque oublier un peu le scénario un peu foireux, mais voilà, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce Green Arrow. Je suis complètement dépassé aussi par l'engouement. Je trouve ça mal écrit, mal dialogué. C'est bien dessiné quand même. Je l'ai pas lu. Hein, c'est super bien dessiné. Mais quel gâchis de mettre ce gars-là sur un titre aussi mauvais. Ben moi, graphiquement, j'ai bien aimé l'histoire, à part la relation justement que j'ai trouvé trop forcée entre Black Canary et Green Arrow, qui est encore pire dans le numéro suivant. Pour un numéro Rebirth, j'ai trouvé ça sympa, surtout vu ce qu'il y avait cette semaine-là. J'ai trouvé que l'évolution de Green Arrow était plutôt intéressante vu ce qui avait pu être fait horriblement avec le personnage avant. Maintenant, oui, depuis j'ai lu. Attends, c'est le même scénariste qu'avant. Hein. Je sais pas, j'ai pas l'idée. Ouais, ça a pas changé. Merci, hein. Ouais. Il était mauvais avant Rebirth, il restait mauvais. J'ai arrêté un moment parce que je trouvais ça à chier. Là, j'ai juste pris comme ça parce que j'ai pris sur ma tablette. On s'est compris. j'ai trouvé ça sympa. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Maintenant, la suite. Ah putain. Il y a des mecs au moins qui achètent les comics dans l'émission. Est-ce qu'il y a au moins un mec qui achète au moins un comics par mois dans l'émission? Ouais. Et j'ai Titan Rebirth devant moi, Batman 1, Rebirth 1. J'ai acheté des titres intéressants. Ouais, bon, maintenant que j'ai acheté Convergence, moi. Moi, je suis bien content de ne pas avoir acheté ça, par contre. Et puis le fait que tu aies acheté Convergence, tu as le droit après d'acheter des scans pendant 5 ans. T'as le droit de scanner pendant 5 ans. Mais je me lâche là maintenant, c'est bon. Bon, là on va enchaîner. Ouais. On enchaîne avec Wonder Woman. Le titre que moi j'attendais le plus, parce que écrit par Greg Rucka. Et j'avoue, c'est une petite déception. Parce que j'en attendais énormément et je dois avouer que sur le numéro Rebirth et sur le numéro 1, il ne se passe pas grand chose. C'est très très introductif, très voilà. Et alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a deux séries en une. Donc une dessinée par Sharp, donc pour laquelle on a eu le Rebirth et le numéro 1, et une qui sera dessinée par Nicolas Scott et qui sera centrée sur l'enfance de Wonder Woman. Donc là, on a que la partie Sharp, donc contemporaine à l'univers Rebirth. Tous les 15 jours, en fait. Il y a une semaine, c'est le passé, c'est une semaine, c'est maintenant, ainsi de suite. Ouais. Et c'est très très très difficile de dire quoi que ce soit sur ce qu'on a eu avec ces deux numéros parce qu'il se passe rien. Mais ça prend son temps. Dans le numéro Rebirth, on voit Diana face à toutes ses différentes incarnations et le fait de savoir qui est-elle vraiment. Et le numéro 1, elle va faire face à une menace, mais elle va mettre 20 pages à arriver face à cette menace. Donc c'est 20 pages de « je marche dans la jungle et je monte une montagne ». Pour arriver face à la menace qu'on voit juste à la dernière page. Il se passe absolument rien d'autre. Ah ouais. J'ai envie d'y croire parce que vraiment Greg Rucka, il m'a jamais déçu auparavant, mais là je dois avouer que juste ces deux numéros là, c'est difficile de dire que c'est bien. Hein. Et les dessins de Sharp sont pas transcendants. Hein. Il y a des très jolies pages et il y a des pages vraiment immondes. Ouais, il est vraiment irrégulier hein, comme type. Des fois, c'est clairement dégueulasse, quoi. Ah ouais. Mais ces visages entre différentes pages, tu reconnais le costume, mais tu reconnais pas le visage de Diana, quoi. Putain, on critiquait les visages de Doug Mankey, mais alors. Ah ouais, c'est pire encore. Rien à lui envier, là. Ah ouais. Donc j'ai envie d'y croire, mais je suis un peu déçu. Pourtant, tout le monde disait que ça allait être un truc de fou au début. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais quand on a vu les artistes, les gens ont dit que ce serait le titre Rebirth à lire. Vous n'avez pas trop l'air convaincu, là. Ouais, parce que Rucka, mais du coup, alors ça fait partie des comics Rebirth que j'achète, mais ouais, pour l'instant, c'est une petite déception. Quoi. Je l'attendais vraiment et c'est pas passé grand-chose. Numéro Rebirth était vraiment pas terrible du tout. Ce numéro 1 était un peu mieux, mais ouais, ça reste assez contemplatif, quoi. Il se passe pas grand chose. Contemplatif. T'es Wally, il est perdu là, c'est même pas lui, alors. Non, mais sur Wikipédia, c'est clairement tu sens le titre écrit comme un TPB. Mais en fait, il s'était prévu comme ça, à la base. Rucka devait écrire Earth One, et ils ont pris Morrison au final pour le faire. Rucka s'était fâché à l'époque. Et donc, il revient, et je pense qu'il fait l'histoire qu'il avait envie de faire à l'époque. Il revient. Et il est après pas content. Deux ans. Et ça sent que c'est pas une écriture single en fait. En fait, le gars, tu vois, il s'est dit, vu que vous m'avez fait chier, je vais vous pourrir votre titre, rien à en foutre. Ah, j'espère que non, hein. Mais après, c'est bien écrit, hein. Tu sens qu'il sait écrire, que c'est pas Green Arrow, hein. C'est juste qu'il se passe pas grand chose. Ok, on passe à Flash Rebirth, ou vous avez autre chose à rajouter? C'est bon. Et toi, t'as rien lu en fait? Si, j'ai lu, mais vous vous exprimez bien mieux que moi. Alors, je préfère vous laisser vous exprimer. Donc Flash Rebirth, je l'ai lu, mais Spectra, tu vas en parler, et je donnerai mon avis à la fin. Et j'ai lu le Flash numéro 1, du coup, aussi, aujourd'hui. Pareil. Donc, ça, c'était vraiment la série que j'attendais le plus. J'avais jamais lu de Flash avant, ou si, très peu, mais quand j'étais beaucoup plus jeune. Bref, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé le Rebirth qui suit vraiment le fil conducteur de DC Universe Rebirth. J'ai trouvé la caractérisation de Barry Allen plutôt pas mal, l'écriture très sympa, le style. C'est quoi dessin, ce bruit là? C'est quoi ce bruit derrière? C'est Darth Vader. C'est Vince, hein. Ouais. Quoi? Non, je sais pas, il y a un bruit chelou derrière. Je sais pas, je coupe mon micro moi. Ah d'accord, ok. Excuse-moi Spectra, tu peux reprendre. Et oui, donc j'ai trouvé le numéro bien écrit, j'ai adoré les dessins aussi, donc franchement le Flash Rebirth m'a bien convaincu. On a un prolongement en fait, donc on revoit la scène entre Wally et Barry quand Barry le fait revenir. Après Wally, en gros, il lui explique qu'il va enquêter sur la fameuse menace. Et donc voilà. Et après on a Flash aussi qui retourne voir Batman, pareil. Toujours en lien avec la fameuse lettre. Et ils parlent tous les deux d'enquêter aussi sur la fameuse menace. Et après on a une page le cliffhanger qui donc amène l'intrigue de Flash 1. Donc là ça part dans une toute autre direction et on laisse tomber un peu le comment dire, l'intrigue de DC Universe Rebirth quoi. Après ça part sur une intrigue vraiment consacrée à Flash quoi. Oui, avec la création notamment de ce futur vilain qui nous a été teasé là, c'est il y a quelques temps, Godspeed. C'est ça. Par contre, Godspeed, je le trouve dégueulasse. Hein. Au niveau du design, J'aime quoi. Bien, moi. Je trouve, ah, t'aimes bien Ouais, je trouve ça plutôt original. Ouais, un méchant de Flash qui ressemble à Flash, mais qui est blanc. Tu trouves ça original? Bah, c'est entre le Flash et le spermatozoïde. Il y a un truc, quoi. Ouais. Il lui manque une petite flagelle et... ça ressemble plus à un spermatozoïde quand même qu'à un Flash, quand même. Hein. Non? Non, mais j'aime bien. D'accord. Ok. Moi, j'avoue que j'ai pas été fan des dessins sur le Flash numéro 1, que je trouve un peu trop cartoon, mais. Ouais, c'est un thème ou pas, c'est un style vraiment particulier, mais moi je trouve que ça va bien avec le. Mais c'est vrai que c'est dynamique. Ouais, c'est voilà. Dynamique, donc c'est pour Flash, c'est ce qu'il faut. Hein. Après, c'est vrai que dans le run de Manapool et Buccellato, les dessins de Manapool, j'adorais vraiment. Bon, c'est. Après, le scénario de Williamson, je trouve solide, c'est pas mal. Ouais. C'est un bon scénariste qui a fait ses preuves en indé. Je l'attendais un peu au tournant et je suis intrigué. J'ai envie de continuer. Et par contre, vous qui avez l'habitude de lire du Flash, du coup, c'est pas un peu lourd à lire pour l'instant, Rebirth? Surtout le Rebirth, surtout le numéro. C'est un peu trop Reddit, mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est pas le numéro Rebirth. Ouais, c'était beaucoup trop Reddit, mais j'ai quand même trouvé ça sympa. Mais c'est un peu le cas de tous les numéros Rebirth qui sont très sont très faits pour les nouveaux lecteurs. Hein. Mais celui de Flash, c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup. Mais le numéro. Mais par contre, ce qui était sympa, c'est qu'ils ont mis ils ont fait la parallèle Barry, enfin l'histoire de Barry Allen, sans remontrer les images, avec une histoire d'actualité, quoi, plus récente. Ouais, ouais, non, c'était sympa. J'ai juste trouvé ça sympa. Et je trouve que c'est eu la bonne idée, quoi, plutôt que remettre pour la 12e fois en 4 ans les origines de Barry Allen. Ouais, et puis t'expliques aussi le Wally West, d'où il peut venir. Alors, je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils disent. Ouais, voilà. Le cousin éloigné, quoi. Mais du coup, qui a le même nom. Ouais, mais ça, c'était déjà expliqué dans le DC Universe Rebirth. Donc, c'est dans celui-là que c'était expliqué? Je me rappelle plus. Ouais, d'accord. Si c'était dans le DC Universe. Ah ouais, t'as raison. Ouais, il dit, ouais, j'avais un cousin, nanana, que je connaissais pas, machin, bidule. Ouais. Ouais. Et le Flash 1, donc avec la nouvelle intrigue, avec donc le Godspeed et les visions qu'il a, tout ça, ça semble intéressant, quoi. Je pense qu'on va avoir droit à un arc assez long, en fait, sur ça. Ouais, c'est possible, mais c'est pas mal. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, c'est que le design n'est pas fou, hein. mais bon, après l'histoire est prenante, intrigante, voilà. C'est du comics blockbuster par contre, hein. C'est pas Ouais, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est pas lourd et c'est intriguant en fait. Tu te demandes comment il va réussir à tout lier, même si c'est que le premier numéro, je trouve qu'il lance pas mal de pistes. Mais c'est pour le coup, contrairement à Wonder Woman, tu sens que c'est fait pour être lu en single avec un cliff. Voilà, t'as envie de lire la suite. C'est un comics feuilletonnant, très bien, c'est ce qu'on attend. Bon, on va finir avec Titan Rebirth, Vinch. Ouais. Alors Titan Rebirth, ça prend justement la suite de Flash Rebirth. Donc on retrouve Wally. Putain, faut que je lis celui-là alors, putain, je l'ai pas lu. Ouais. On retrouve Wally qui est donc là où il avait dit qu'il allait, il a enquêté, en même temps il a été retrouvé les Titans. Il se trouve dans leur ancienne. Dans leur ancien camp, je pense, dans une de leurs anciennes bases, si j'ai tout compris. Et du coup, les Titans, eux, je sais pas si quelqu'un a lu Titan Hunt. Eux, ils savent déjà qu'il leur manquait quelque chose, etc. Et quand ils entendent qu'il y a l'alarme de leur ancien QG qui s'active, ils débarquent, ils reconnaissent pas Wally, donc ils s'ensuit une baston. Et chaque fois qu'ils le touchent, ils vont se rappeler de ce qui se passe. Et alors, on a des petits flashbacks, etc. De la vie passée des Titans. Donc voilà, c'était un numéro que j'ai trouvé fort sympathique. Maintenant, ici, il ne passe pas grand chose vu que c'est beaucoup, beaucoup d'Irédit. Mais je veux dire, c'est pas non plus du Reddit inutile vu que ça sert vraiment à présenter les Titans, leurs liens de l'époque, etc. Et à moins que vous soyez un incollable des Titans, Bah, de l'époque, sans être un incollable sur les Teen Titans, tu as le. C'est surtout une redite par rapport à pour ceux qui ont lu Titans Hunt. Mais vu que la série ne se vendait pas du tout, je pense que c'est nécessaire de faire justement cette. Surtout que la série Titans, je pense, sera la série essentielle si tu veux comprendre ce qui se passe après DC Universe Rebirth. Ouais, maintenant c'est pas non plus tout à fait lié à. Ouais, si je veux dire, c'est pas non plus hérédite tout à fait de Titan Hunt, vu que c'est beaucoup les moments en commun sont des éléments clés avec Wally, qui lui était absent de Titan Hunt. Mais sinon, ouais, c'est. Le comic c'est sympa, mais il s'y passe pas grand chose, vu que c'est. Que les 20 pages se passent dans la même pièce, et que, à part chaque fois qu'il touche quelqu'un, on a un flashback, mais. Et donc, du coup, à la fin, bah, ils se disent. Ils décident d'aller poursuivre cette menace qui, ensemble. C'est un peu le même principe que Titans Hunt, où on avait en fait chaque numéro où les personnages se retrouvaient et se disaient « Ah, mais je te connais, toi, en fait ». C'est un peu la même chose, sauf que là, c'est Wally qui le fait avec l'ensemble des personnages qui se sont retrouvés dans la série avant. Ouais. Mais du coup, heureusement que ça se fait en un numéro. Et sinon, je kiffe bien le nouveau costume de Wally. Je ne sais pas si ce que vous en pensez, vous, mais je pense que le costume de... En fait, je ne sais pas s'il est Flash ou s'il va être vraiment... Comment il va s'appeler tout le temps. Je trouve stylé. Et c'est Brad Booth au dessin. Moi, je le trouve jeune. J'ai l'impression qu'il fait très jeune, alors que. C'est normal, il a perdu 10 ans. D'accord. C'est ce que j'allais demander, parce que normalement, Wally, il a des enfants. Ouais, mais vu qu'ils ont perdu 10 ans, c'est ça, justement. En fait, Wally, c'est le seul qui se souvient de sa vie qu'il a eu avant. Ah ouais, mais justement, normalement, lui, il devrait pas les avoir perdus, ces 10 ans. Ouais, bon, je sais pas. Donc, du coup, c'est la force de l'œuf, je pense, qu'il a ouais, c'est ça, ou sinon, c'est Jeff Jones qui s'est trouvé une fois de plus, quoi. Ah, je sais pas, c'est probablement moi qui comprends mal, mais pour moi, Wally, justement, c'est le seul qui, justement, revenait tel qu'il était avant Flashpoint. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il revient tel qu'il est, moi. Après, peut-être qu'il fait jeune parce que Brad Booth, il dessine comme ça, mais moi, je pense qu'il se rappelle de tout entièrement. En même temps, tu te rappelles de tout. Le premier truc que tu fais, c'est que tu vas retrouver tes anciens potes, tu retrouves pas ta femme et tes gosses. Bah, il a été bah, c'est ce qu'il fait. N'existe plus. Bah, c'est ce qu'il a fait. Femme, il va, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a essayé d'aller voir sa meuf dans DC Universe. Oui, c'est vrai. Elle lui a mis un stop. Et après, je pense que dans Flash, il lui reparle, etc. Mais ils lui disent pas le moment, pas encore ou quoi. Et après, il lui dit, va voir Iris, et il lui dit, non, Linda m'a mis un stop, je vais pas prendre deux freins dans la même journée, quoi. oui. Mais du coup, ça, c'est vrai que je sais pas vraiment si c'est voulu ou pas, mais c'est vrai que mais même dans les flashbacks, on voit le flashback, Wally, entre le flashback et le présent, il a toujours la même gueule, alors que les autres, ils sont un peu, on va dire, ils font un peu plus vieux, quoi. Par exemple. Je sais pas là, j'ai devant moi, on voit Wonder Girl, entre le passé et le présent, on voit qu'elle a le trait, il a un peu modifié son âge. Elle a morflé. Hein. Mais après, peut-être que la Speed Force, ça doit bien conserver. Après, il se rappelle de tout, mais ça l'a bien conservé. Moi, je pense que c'est ça. Il fait le même âge, donc je pense que ça peut être voulu. Comme tous, on voit qu'ils ont vieilli, sauf Wally, c'est vrai que lui, il a pas pris un. Mais de toute façon, vous l'avez lu Flash Rebirth, mais le premier de Jeff Jones, la première version. Ah, ça fait longtemps, on n'en rappelle plus trop. Ben là, c'est pareil, c'est le retour de Barry Allen à ce moment-là. Ah, et c'est pareil, il revient, il a la même gueule qu'avant, quoi. Ah, il a pas changé, quoi. Donc moi, je le trouve presque ado, comme il est dessiné. Ouais, mais après c'est Brad Booth, c'est lui dessine comme ça. Hein. Il a un style particulier, mais moi je pense après la Speed Force, ça doit pas te faire vieillir tout ça. Donc moi je pense que normalement, si on suit le raisonnement, il a disparu. Quand ils étaient ados, et vu qu'il est resté dans la Speed Force pendant 10 ans, donc de l'âge ado à adulte, les autres ils ont vieilli, mais lui, vu qu'il était bloqué dans la Speed Force, il est censé ne pas avoir vieilli, quoi. Donc c'est ça. Il fait encore un peu jeune. Ouais. C'est ça. Je pense. Vinch, spécialiste de la Speed Force. Bravo, Vinch. Voilà. Et je pense aussi que c'est pour créer ce décalage aussi avec le Flash, vu que Barry Allen est déjà jeune, et pour que son pseudo sidekick n'ait pas le même âge que lui, quoi. Donc ça fait genre, Wally revient, mais il est quand même encore un peu plus jeune que Barry, quoi. Voilà. Ouais. Bon, moi, après, globalement, sur tous les numéros Rebirth, j'ai pas trouvé que ça faisait Reddit, contrairement à vous. Je trouve que ça clôturait bien le truc et ça relançait bien le truc. Je trouve que c'était nécessaire. Normal, tu lisais rien. Bah ouais, t'as jamais rien lu en comics. Ça fait un an et demi, tu lis des comics, t'as lu Mickey et voilà, quoi. Allez vous faire enculer. Mais je trouve que c'est bien, voilà. Moi, oui, effectivement, je lisais pas les Superman, donc Superman, ça m'a permis de tout clôturer. C'est sûr. Après, c'est sûr que si vous avez un budget ou que vous téléchargez Bande de Pirates et que vous lisez tous les titres, forcément, ça vous sert à rien. Mais moi, je trouve que ça permettait de. Et même moi qui lisais Flash, j'ai pas trouvé que c'était une redite. Je trouvais que c'était un numéro obligatoire pour bien redémarrer, quoi. Après, et franchement, flash par, rapport à ce qu'on a eu sur, avec Venditti et Johnson, il n'y a pas photo. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, tu dis, ouais, les nouveaux lecteurs, ils ont besoin du numéro Rebirth, mais moi, je suis sûr qu'il y a des nouveaux lecteurs, même avec le numéro Rebirth, ben, ils n'ont pas tout compris. Hein. Bon, oui, ouais, c'est possible. Mais par contre, vraiment, je pense attends, que c'est juste, numéro... juste je te prends Flash Rebirth. Quoi. Le coup avec Flashpoint, la lettre et compagnie, le mec qui débarque, qui tombe sur ça, et il se dit, on est où, non? Il y a un petit résumé viteuf, mais c'est pas un vrai numéro 1 qui repart à zéro, quoi. C'est, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as quand même le résumé qui va bien. Mais Flash, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais si tu prends Batman, si tu prends Green Lantern, ouais. si tu prends Superman, c'est clairement des numéros faits pour les nouveaux lecteurs. Ouais, peut-être. Clairement, quoi. Aquaman, encore pire. Aquaman. J'ai pas lu ça. Moi, je t'ai dit, moi, j'ai lu Batman, Superman et Flash. Et le... Dis-moi, où est-ce que tu les aurais achetés, ces numéros? Alors, je vais être honnête, je les ai téléchargés. Ouh, oh mon dieu. Voilà, et là j'ai passé, je suis un monstre, mais je m'assume, je n'ai pas de cœur. Et là, j'ai passé ma commande à Pulse Bordeaux, chez Bruno, le comic shop qu'il vous faut. Ouh. Et donc, là, je vais les commander, là j'ai eu la facture, et donc je vais les acheter, donc je vais recevoir tous les numéros que j'ai téléchargés. Et ce que Wally nous a dit avant l'émission, c'est qu'il allait uniquement les utiliser pour spéculer. Il veut les vendre 4 fois le prix, ce bâtard. Non, je vais les garder en collection et après, voilà, on sait jamais quoi. S'il y a un mec qui veut les acheter super cher dans longtemps, je peux être ce mec-là qui vous rendra service si vous voulez vraiment les numéros quoi. Serait mal entendu. Si vous voulez un comics Batman 1 pour la modique somme de 1 250 €. Ah non, mais attends, je vais donc passer mon annonce. Donc, je cherche toujours le Green Lantern tome 0. Donc, si vous le vendez au prix d'achat, laissez-moi un petit commentaire. Après, franchement, si vous voulez me niquer la gueule, me le vendre 30 ou 40 euros d'occasion, c'est mort. Mais si vous êtes cool et que vous l'avez pas aimé ou que vous en avez en double, je l'achète au prix d'achat. Voilà, j'espère que l'annonce s'est bien passée. Alors, tu payes les frais de port quand même. Pour 50 euros, je te le vends. Ah ouais, moi je paye les frais de port, je paye tout, voilà. Mais 50 euros, mais meurs. Ça va. Meurs. Écoute, je te le vends à 15 euros, frais de port 25 euros. En tout, 25 euros? Ah non. En plus, 15 euros, ouais, meurs, ouais. C'est vrai que la Belgique, c'est loin, tu sais. Non, mais c'est pas grave, au pire je l'aurai pas, c'est pas grave. Au pire je revendrai mes Green Lantern et la nouvelle collection qui vont sortir, là je l'achèterai à ce moment-là. Le numéro 0, en fait, c'est les origines d'Al Jordan, c'est ça hein. C'est voilà. Secret Files. C'est ça chier. Green Lantern Secret Files. C'est juste pour avoir la. Attends. Ouais, c'est ça. Et là, le numéro qui est sorti là, c'est Green Lantern Rebirth. Ouais, là c'est Secret Files, mais c'est juste pour avoir la collection au complet en fait. Donc, bon, on verra bien, on s'en fout. Bon, on en a fini avec ça. Et on va passer donc à tout le reste. Donc, qui veut commencer? Quelle série avez-vous découvert? Moi, j'ai maté 3 séries, c'était de la bombe. Ah, vas-y, commence, Je commence moi alors? Ouais. Alors, ma série top 3 sur 2016. Number 1, Roots. Vous avez vu ou pas? Non. Pas. Connais pas? Une tuerie totale. Alors, moi, bon, je vais faire vite fait le pseudo expert à la con là. Je connais la série originelle. Voilà, bah, c'est ce que. Bah voilà. Dédicace alors, j'étais en train de dire ça. Donc c'est un remake de la série originale qui date de 1900 je sais plus combien. Ouais, les années 70 je crois. Voilà, donc c'est sur l'histoire de Kunta Kinte, donc un Africain qui a été kidnappé donc je sais plus dans quel c'est quel pays. En Guinée, non, au Ghana, ouais, je sais plus bref. Et donc il s'est retrouvé esclave aux États-Unis en fait. Et donc c'est une mini-série en 4 épisodes, ça passait sur History, c'est des épisodes de 1h30 et donc on va voir son évolution donc au fil des événements historiques américains. Donc au début il se fait kidnapper, il arrive aux États-Unis, après donc on voit sa vie en tant qu'esclave, après il y a la guerre d'indépendance et après il y a la guerre de sécession, et donc on va suivre sa vie à lui, la vie de ses enfants et la vie de ses petits-enfants en fait. Et en fait dans le casting, donc forcément c'est centré sur les noirs, et donc les acteurs noirs, il y a que des grosses stars. Il y a Forest Whitaker. Vous kiffez bien l'acteur ou pas du tout? Ouais, je connais pas. Tu connais pas? C'est un scientologue. Oui. C'est un scientologue, ah. Ouais, mais ça on s'en branle, il fait ce qu'il veut après, tant qu'il fait des bons films, non? Non. Ok, donc il y a lui, c'est un monstre. Après, il y a deux acteurs qu'il y a dans The Wire. Alors, j'ai pas les noms, mais il a joué dans The Wire, c'était le mec qui tenait la salle de boxe, et il a joué également dans Walking Dead. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Je voilà. Connais pas tous les zombies qui jouent dans la scène. Non, c'est pas un zombie, c'était un mec. Et survivant, voilà. Et après, il y a un autre acteur de The Wire, je sais plus son nom, qui joue aussi dedans. Donc, pareil. Pour moi, c'est un super acteur. Dans l'épisode 4, il y a T.I. Bon, moi, j'adore T.I. C'est pas un vrai acteur, mais bon, il joue trop bien. Et donc, la série, elle est super émouvante. Juste géniale. Donc, si vous savez pas quoi regarder, parce que Game of Thrones, c'est fini. Matter Roots, 4 épisodes, 1h30. Ça, c'était mon top numéro 1. Mon top numéro 2, C'est Le Bureau d'élégance saison 2. Vous l'avez faite? Non. Je ne regarde pas les séries françaises. C'est honteux. Ok, alors Le Bureau de légende saison 2, c'est une tuerie totale. C'est encore mieux que la dernière saison d'Homeland. Donc la saison 1, elle était vraiment bien. Et la 2, elle est encore un cran au-dessus. Donc bah, c'est sur les services secrets français. Je vais pas révéler l'intrigue, mais bon voilà, c'est à coup d'agent double, d'agent triple, manipulation, nanana, nanana, politique, nanana. C'est vraiment de la grosse tuerie. Donc si vous avez aimé Homeland, matez Le Bureau des légendes. Tu devrais regarder vraiment Cédric, hein. Ouais, je pense ouais, que ça te plairait. C'est sur ma liste, mais j'ai beaucoup de séries sur ma liste. Donc. Juste la saison, les deux premiers, ils sont vraiment chiants à mourir. Et après, ça passe, ça commence à devenir bien. Et la 2, c'est la perfection. Le scénariste, ils sont 12 dans sa tête, c'est génial. Donc ça, c'était mon top numéro 2. Et mon top numéro 3, ça vient juste de commencer, c'est la série Outcast. Ça, vous connaissez forcément. Ah, ça y est, ça a commencé. Ouais. Ils en sont aux 4. Ils en sont aux 4. Alors, j'ai jamais lu le comics. J'aime pas les films d'horreur. Je me suis lancé là-dedans et je trouve ça génial en fait. Donc vite fait l'histoire, c'est un mec qui retourne dans sa ville natale après être parti longtemps. On capte qu'il est un peu chelou, qu'il a un peu des liens avec des esprits. Et donc en gros, pour faire le pitch de base, il va y avoir plein de gens qui vont être possédés dans sa ville et donc il va essayer de les exorciser. C'est pas une série à les experts avec un esprit à exorciser par épisode. C'est vraiment une intrigue sur une saison et pour l'instant, je trouve ça complètement génial. Tu t'as maté Cédric? Ouais, j'ai vu le pilote, j'ai pas vu la suite parce que en fait j'ai lu le comics. Et c'est presque au plan près, au mot près le comics. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, tu l'avais dit dans le gros point. Ouais. Ouais, donc c'est bien, mais pour moi je sais pas si je vais continuer parce que j'ai presque pas d'intérêt à le voir. Soit j'arrête le comics, soit j'arrête la série. Quoi. Et là où t'en es, sans me spoiler, c'est toutes les intrigues là, parce que ça a l'air colossal, c'est bien vraiment? Alors, de ce que je... Ouais, non, c'est très très très bien, par contre, ça va... La série télé prend vraiment son temps. Hein. D'accord, ok. Ça va beaucoup plus vite dans le comics, donc je pense qu'il y a... S'ils continuent à ce rythme-là, ils ont de quoi faire plusieurs saisons, même s'il n'y a pas eu beaucoup de numéros qui sont sortis, quoi. D'accord, okay. Bah après, moi juste en matant la série, je trouve pas que le rythme est lent, et j'ai donc vu, du j'ai coup... vu que le pilote, hein. D'accord. Et après, je peux pas comparer avec le comics, mais juste en prenant ça comme une série normale, moi, je trouve ça vraiment énorme. J'aime beaucoup le comics. Ce que je reproche au comics là où j'en suis, c'est qu'il y a un côté répétitif quand même. D'accord. Tu l'as bien décrit. Ce que tu as décrit, c'est ça tout le temps. D'accord. Donc, ouais, mais après, il va sur place, il s'occupe de la possession. Il y a une menace qui est au-dessus. Je sais pas si on la voit arriver dans les. Ouais, on s'en doute en fait, mais on n'a pas trop d'infos. Mais après, c'est vrai que là où j'en suis, moi, pour l'instant, il a dû exorciser sur 4 épisodes. Il a dû se faire 2 mecs, peut-être 3, mais ouais, peut-être 3 en 4 épisodes. Mais vu qu'il y a une autre intrigue derrière et qu'il y a plusieurs trucs, ça passe mieux que comme si c'était, je te dis, il vient le matin, il y a un méchant et à la fin, il enlève l'esprit, c'est fini. C'est... Ouais, c'est un peu ça dans le comics quand même. Hein. C'est un peu ça. Bah là, il y a l'histoire avec sa sœur. Il y a pas mal d'intrigues différentes, le voisin, tout ça. Du coup, ça passe mieux, je trouve. Okay. Mais moi, je trouve ça génial. Et après, juste finirai. J'ai vu Preacher. J'avais lu le comics il y a super longtemps. Le tome 1, c'était publié par Édition USA, je crois, ou une vieille maison d'édition. Là, j'ai vu le pilote. Je me suis fait chier. Et le 2, j'ai coupé à la moitié parce que c'est pareil, je me suis fait ultra chier. Ouais, j'allais en parler, moi, de Preacher. Je peux peut-être enchaîner, du coup. Bah, vas-y. Ouais, alors, Preacher, c'est Preacher, sans, mais... Sans comparer, enfin, j'aime pas trop quand on compare avec la BD, parce qu'en fait, ça sert à rien, mais vraiment... Alors, juste... là, pour le coup, c'est difficile de pas parler de la BD, parce que ils ont décidé d'adapter Preacher en faisant une histoire différente de celle de la BD. C'est assez étonnant comme idée. Mais intrinsèquement, si t'as pas lu la BD, que juste tu te mets sur la série. Pour moi, si t'as pas lu la BD, il y a plein de choses incompréhensibles dans la série. Mais vraiment D'accord. incompréhensibles. Ce que tu as vu au début de l'épisode 2, notamment avec ce qui se passe au Far West. Ouais, quel qui buzz là en fait. Ouais, il y a un petit bruit de casque. Ouais. Bah, de toute façon, on a bientôt fini. C'est absolument incompréhensible. Et alors, par contre, si t'as lu la BD et que t'es un gros fan de la BD, tu vas être déçu parce que c'est pas du tout l'histoire de la BD qui est racontée. D'accord. Donc, je pense que cette série, pour moi, elle est ratée sur les deux plans. Elle est ratée pour les fans de la BD et elle est incompréhensible pour les gens qui l'ont pas lu. Mais après, le rythme, il est très très lent. Très lent, hein. C'est très lent. Alors, c'est très beau, très bien filmé, les acteurs sont très bons, c'est très bien joué, c'est vraiment une série de très bonne qualité, mais elle a beaucoup de défauts. Un défaut de rythme dingue. Le rythme, par contre, j'attends de voir parce que c'est le showrunner, je crois, de Breaking Bad. Ouais, et ouais. C'est vrai que Breaking Bad, la première saison, c'était pas non plus extraordinaire. Ouais, c'est vrai. C'est devenu puissant avec le temps, donc je vais attendre 3-4 saisons, voir si ça pousse. Mais tu sens quand même quelle est la qualité. Hein. C'est vraiment. Ah oui, c'est super bien filmé. Il y a de l'argent, c'est bien joué. Mais moi, j'ai encore beaucoup de mal à me mettre dans les épisodes parce que je cherche les similitudes avec le comics, justement. Ouais. Et quand il y a des choses qui dévient, soit ça m'énerve, soit ça m'étonne tellement que je me demande où je suis. Et du coup, je suis pas encore complètement rentré dans la série. Allô ? Ouais. Ouais, je t'entendais plus. Vas-y. Okay. Donc je disais que j'étais pas encore complètement rentré dans la série à cause de ça, mais voilà, je vais continuer moi. D'accord. Bah continue, t'as autre chose à d'autres trucs que t'as fait ? Bah j'ai fini Game of Thrones, mais bon, c'est pas très original. C'est ouais, énorme cet épisode 10, on va pas spoiler, mais l'épisode 9 et l'épisode 10, ouais. Bah, comme souvent dans Game of Thrones, c'est les deux derniers qui sauvent un peu la saison, où tu t'ennuies un peu et puis t'as les deux dernières missions qui te relancent l'intérêt. Hein. Moi, je suis pas trop d'accord. Hein. J'ai trouvé que cette saison, elle était vraiment géniale, beaucoup mieux que la 5, personnellement. Et ce que j'ai apprécié, c'est que la 10, le 10e épisode de la saison 6, il coupe, mais correctement, en fait. Il coupe pas, c'est pas un cliffhanger de pute où il se passe un truc de fou comme à la fin de la saison 5 et il faut attendre un an. Ouais. Là, ça se finit, il y a des intrigues qui sont clôturées, ça donne envie pour la suite, mais... C'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais été tellement choqué par le final de la saison 5 que je m'attendais à voir un peu la même chose et ça m'a un peu déçu que ça se conclue, quoi. Moi j'ai dit voilà, c'est bien. J'attends un an, ça se passe bien. Voilà, tu sais ce qui va se passer plus tard, mais voilà, ils ont pas fait les bâtards, je trouve, pour une fois. Bon, par contre, on approche de la fin et ça sent, quoi. Ça s'accélère vraiment, là. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait 5 saisons pour monter les intrigues, et là, je pense qu'ils vont faire 5 saisons pour tout faire redescendre. Ah non, non, il reste 15 épisodes. Ouais, ils vont faire une saison divisée en deux. Mmh. Attends, refais, il reste 15 épisodes en tout ? Non, 13, ouais. Je crois. 13. Ah, ils vont faire 2 saisons alors ? Ouais, ils vont faire 7 et 6, il me semble. Ah merde. Ah ouais, bah j'espère qu'ils vont pas bâcler parce que. Bah, parce que c'est vrai, quand tu regardes, l'intrigue, elle s'est vraiment montée sur 5 saisons en fait. C'est que. Allez, 4 saisons, il y a que à partir de la 5 qui commence à. Après, ils commencent à avoir un problème, c'est qu'il y a de moins en moins de persos. Hein. Ouais, mais après, t'as vu, t'avais des peuples dans tous les sens qui vivaient chacun indépendamment les uns des autres, et là, il commence à y avoir des alliances. Ouais, ouais. Mais j'espère qu'ils vont pas tout niquer en 13 épisodes, quoi. Parce que vu que le rythme, il est quand même assez lent, ça me fait peur qu'ils bouclent tout qu'en 2 saisons, quoi. Mais j'avais vu ouais qu'ils comptaient faire des saisons de 7 épisodes. Qui comptaient ouais. Enfin, en tout cas moi personnellement cette saison 6 je l'ai trouvé vraiment mortel. Bon, il y a toujours un ou deux épisodes qui font chier, mais globalement j'ai trouvé que c'était du très très lourd. Et puis les personnages évoluent très bien, j'aime beaucoup ce que devient Arya. Ouais. Notamment. Bon après il y a certains acteurs que je trouve vraiment toujours aussi mauvais, ça fait 5 ans qu'ils sont mauvais, ils sont toujours mauvais. Le mec qui joue Jon Snow, c'est pas possible. Ouais, moi je kiffe. Et il sait rien faire d'autre. Et Sansa, pareil, Sansa. Sansa m'énerve. Mais bon, Sansa, elle est roux, c'est normal. Bon, elle est là pour être énervante aussi, mais bon. Ouais. Elle est censée devenir forte, mais j'y crois pas une seconde, tellement l'actrice a aucun charisme, quoi. Moi, l'acteur que j'aime bien, c'est le. Ah, mais après, on va spoiler, ça craint. Celui qui était le. Comment il s'appelle ? L'espèce de main du roi, entre guillemets, de Stannis Baratheon. Celui qui ressemble un peu à. Celui qui ressemble à. Comment il s'appelle ? À Sean Connery un peu. Ah ouais, The Onion Knight. Et il l'appelle comme. Il l'appelle comme ça dans la série ? Ouais. Ah ouais, mais t'es sérieux ? Ah ouais. Oui. Ouais. Celui qui s'amuse avec sa fille à un moment donné là. Avec la fille Oui. Voilà, ok. Bah, lui, je l'aime bien cet acteur. Je trouve qu'il est classe. Ok. T'as autre chose à dire, Cédric ? Non, c'est bon. Ok, bah on va passer à Spectra. Eh ben, moi pas grand chose, hein, du coup, comme tout le monde, Game of Thrones, que j'ai vraiment, vraiment bien kiffé. Là, cette saison 6, j'ai été tellement déçu par la 4 et la 5 que là, c'était vraiment un régal de retrouver les épisodes chaque semaine. Et puis Banshee aussi. T'as fini ? Ouais, ça y est, j'ai terminé. Ouais, c'est triste, hein. Ah ouais, spoilez pas les mecs. Hein. Ah non, on spoil pas, mais quand je dis c'est triste que ça s'arrête déjà, quoi. Que 4 saisons, c'est dommage. T'en es où là, toi, Cédric ? Ah, moi, je suis assez loin, j'en suis au milieu de la saison 2, donc. D'accord. Et ça va, ça te plaît ? Ah, j'adore, hein. C'est vraiment bien. Par contre, tu m'as un peu refroidi la dernière fois en me disant que la saison 4 n'avait rien à voir avec l'intrigue des 3 autres saisons. Pas l'intrigue, mais l'ambiance générale, ça a plus rien à voir, quoi. Ouais. Ça a plus rien à voir. La saison 1, 2, 3, c'est plutôt sexe et violence. La 4, je te dis pas ce que c'est, mais ils sont partis dans un autre délire. Ce que j'aime beaucoup dans Banshee, c'est le côté nerveux. C'est ouais. très nerveux, c'est, ça s'arrête jamais. T'es... Bah, la 4, ouais. t'es nerveux avec lui en fait, parce qu'il a une situation qui est difficile. Où il est toujours sur la brèche, à toujours se demander ce qui va lui arriver, qui est derrière son épaule, et tu suis tous les épisodes comme ça. Bah, vas-y. Le point culminant de l'aspect nerveux de la série, tu verras, c'est vraiment la saison 3. Hein. Ouais, la 3 c'est la meilleure. La saison 3 c'est une tuerie. Elle est monumentale. J'ai un pote qui s'y est mis et tout. Il me reparlait des épisodes, mais enfin, quand t'arrives à la moitié de la saison, t'as l'impression qu'il s'est passé des milliards de trucs. Enfin, c'est. Ah. Et en plus, il y a un épisode filmé. J'ai dû déjà en parler dans le podcast, mais bon, j'ai pas de mémoire. Tout filmé à la GoPro, tu vois. C'est-à-dire que t'as ça sur une séquence. C'est comme dans un Doomlay, quoi. T'as la caméra donc sur la tête du mec. Tu vois son fusil et il a marqué son nom en bas à gauche. Tu vois le délire? Et ils sont en train de faire un truc, un assaut en fait. Et tout est filmé comme ça en fait. Ça passe d'une caméra à une autre, tu vois. Et t'as la musique et tout. Et le mec qui a fait ça, c'est juste monumental, quoi. Et donc la saison 3, moi j'ai trouvé que c'était la meilleure. Et la 4, c'est un autre registre. Mais elle était quand même cool aussi. Hein. T'as aimé toi la dernière saison? Ouais, j'ai adoré la dernière saison qui a peut-être une tonalité un peu plus mélancolique. Mais, ouais, c'est ça. C'est ça, Spectra. Tu parles bien ce soir. Ouais, ce soir, ouais, je suis chaud. Je fais preuve d'une certaine sagacité. Je me kiffe. Sagacité Ouais. Et ouais, non, et puis par contre, ce que j'ai bien aimé là sur la dernière saison de Banshee, c'est que voilà, on a une vraie dernière saison, quoi. La série finit bien. Il y a une pas dans le sens hein. manichéen du terme, mais ça termine, quoi. Ouais, voilà, c'est pas le truc qui a été bouclé à l'arrache parce que ça marchait pas, quoi. C'était prévu que ça s'arrête là, quoi. Donc ouais, la fin, elle est bien. Ouais. Et sinon? Eh, sinon, je suis allé voir X-Men Apocalypse. Alors? Putain, c'était nul, hein. Ah ouais? Oh putain, ouais, j'ai oublié d'aller le voir celui-là. Ouais, bah t'as bien fait. Non, Day of the Future Past, j'avais trouvé plutôt pas mal. Assez bien foutu, et là non, c'était une cata, putain, mais ce cosplay raté, le Apocalypse, mais c'est terrible, hein. C'est terrible d'avoir un méchant si ridicule. Donc du coup, ça m'a fait sortir du film complètement, et puis ouais. Pareil, Sansa Stark en Jean Grey, j'étais pas. Ouais, toujours le même jeu d'acteur, quoi. Ah merde. Dégueulasse en plus. Il y a juste les passages avec Quicksilver qui restent sympathiques, mais c'est tout, quoi. T'as dit quoi, Vince? Elle est dégueulasse? Ouais. Ouais, mais elle est rousse. Mais c'est censé le bien, quoi. Mais là. Non, j'ai rien contre les rousses, j'ai rien contre les Darwin Cook, j'ai rien contre personne. Hein. Depuis le temps que tu mets une écharpe, t'as changé. Quoi. T'as changé. Tant que tu mets une écharpe. Heureusement que tu parles des trucs sur les noirs, limite après. Quoi? Heureusement que t'as bien aimé le reporter pour qu'il plaide la cause d'art, parce que sinon. Quel reporter? Ah non, alors moi je t'explique de suite. Ah, il parle de route. Alors moi, c'est un documentaire. C'est pas un documentaire. Alors moi, que les choses soient claires, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas anti-roux, je suis pour la paix dans le monde. C'est juste de l'humour en fait. Donc après, non, tu peux, tu mec. Peux ne pas comprendre mon humour. Je le conçois, mais c'est pas ton humour, c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu es quelqu'un d'horrible. Hein? Et il a pas dit qu'il était pas misogyne par contre. Non, mais ça, par contre, il l'est. Ah non, je suis pas misogyne du tout, moi. Non, loin de là, quoi. D'ailleurs, c'est juste de l'humour, bordel. Si tu es une auditrice pas trop vieille, qui habite pas trop loin de Nice, Wally est disponible. Si ouais, faut tu voir, es son esclave. Il faut voir quand même. Faut pas qu'elle ait trop servi quand même. Déjà, faut pas qu'elle soit rousse. Faut pas qu'elle aime Darwin Cook. Non, moi je suis quelqu'un de très respectueux. C'est juste que des fois, il vaut mieux rigoler quand même. Voilou, quelque chose à rajouter? Ben Vinch, toi alors, t'as branlé quoi? Alors moi, j'ai maté Murder. Je sais pas si How to get away with murder. Ouais, voilà. C'est pas la série pour les filles, ça? C'est pas mais ça, je regardais moi au début, mais j'ai coupé à la mi-saison 2 là. Ils m'ont pris la tête. J'ai regardé la saison 1, c'est. Elle est cool. C'est cool et tout, mais le seul truc que j'ai trouvé bidon, c'est en fait les flashbacks. Je pouvais plus, le putain de flashback de merde. Mais en fait, sur une saison de 10 épisodes, tu vois 400 fois la même scène, comment ça m'a pris la tête. Ça avance un peu, mais la 2, c'est le même concept, c'est ça le problème. La 2, c'est pareil. Il se passe un truc et ça avance petit à petit. Et c'est vite chiant, en fait. J'ai pas regardé la 2. Mais ouais, j'ai trouvé ça sympa et tout, mais c'est vrai que au début j'ai vu une scène, deux scènes, à la fin ouais c'était un peu trop, tu vois tout le temps le même truc et tout, et puis au final voir quand même un épisode qui récapitule tout. Elle est pas trop belle l'actrice, la brune là? Laquelle brune? Pour pas spoiler, y en a une qui se fait assassiner au tout début en fait. Et dans sa la copine. Saison 1 ou 2? Dans la saison 1, La, la Yaine qui se fait assassiner. Ah ouais, Et non, donc, du coup, il y a sa meilleure la... amie. Ouais, non, celle qui a la fin et... J'ai rien, mais la meilleure amie de celle qui se fait assassiner, en fait. La non, brune non, qui sort avec le black. Elle est trop belle, cette fille. Moi, je préfère l'autre, celle qui est un peu genre mode étudiante et tout, mais... La black? Non, pas la black. Ouais, La aussi. brune? Ouais, mais elle coule cool et voilà, quoi. La brune, tu préfères? La brune étudiante? Ouais. À Oh. choisir, quoi. L'autre avec ses piercings et tout, c'est pas trop mon délire. Ouais, moi, c'est pas mon délire, mais je trouve qu'elle est trop classe. Elle a trop de Ouais, charme, je en sais pas. fait. Ok. Là, ça, j'ai maté ça, j'ai maté l'épisode spécial de... comment ça s'appelle Putain. J'ai maté ça il y a une semaine, j'ai oublié le titre. Marco Polo avec sur le moine Shaolin qui est Kung Fu. Ouais, c'est énorme cette série. Il y a la 2 qui arrive bientôt. Ouais, c'est pour ça, en fait, ils ont fait un épisode spécial, je sais pas si t'avais vu, qui Ah explique les putain, non. origines du moine, en fait. Ah non, mais ça, je l'ai pas vu. Je vais aller voir ça sur Donc j'ai Netflix, maté bien ça. entendu. Ouais. Ouais. J'ai maté ça et ouais, en préparation de l'épisode de la saison 2 qui sort demain, en fait. Ah putain, c'est demain? Ouais, 1er juillet, c'est demain. Oh, ça tue, ça, je savais pas, tu vois. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Tu m'as refait, là. Ouais, et voilà, en fait, ce mois-ci, sinon après, j'y ai taffé beaucoup. Ah, j'ai oublié de dire un truc. Gomorrah saison 2, les gars. Vous l'avez faite? Non? Vous la... Toujours J'ai pas pas? fait la une encore. Moi non plus. Vous avez pas fait Gomorrah? Putain, tous les mois, je vous le dis, il faut faire Gomorrah, les gars. La saison 2, elle est exceptionnelle. Hein. Moi j'ai lu le livre. Ça Ouais, non, compte. mais non, ça compte pas. Non, non, le livre, ça a rien à voir, je crois. J'ai lu, j'ai vu le film aussi. Rien à voir. Là, c'est vraiment une. Enfin, j'ai pas vu le film, j'ai pas lu le livre, mais Mais là, ça je n'a rien à voir. pense. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment sur des personnages. Je pense pas qu'ils soient dans le film, en fait. Hein. Ok. Mais ouais, non, c'est exceptionnel. À mater en VO, hein, je vous le dis direct. Hein. Matez pas ça en français, les gars. Il faut le mater en VO avec Ça l'accent risque pas italien qui va d'arriver bien. avec moi. Avec des petits tout capiches, pas fanculo. Ah, ça passe crème. Mais en français, c'est dégueulasse. Ok. Vous avez autre chose à rajouter, les gars? Non, on peut conclure. On peut conclure. Donc, ah, on n'avait pas un podcast spécial à faire, Vin, je te rappelle? Ouais. Ouais. Je vous envoie un mail il y a 2 mois, bande d'enculé, il n'y a personne qui m'a répondu. Ouais, il faut le faire, mais après, il faut pas que tu nous envoies les réponses, sinon comment on va faire pour si on Bah fait un truc ouais. entre nous? Ben justement, c'est là, c'est le mail que vous envoyez, c'était un concept avec des réponses exemples, mais après, ouais, il faudra faire un truc avec plusieurs questions, mais forcément, vous n'aurez pas les réponses, sinon c'est un peu con, quoi. D'accord, donc tu seras le MC de l'émission, hein? Ok, ça va. Est-ce qu'on fait C'est ça avec bon? des invités? Ah oui, il faut prendre des invités obligatoirement. Faut faire deux. Envoyez vos Ben, il faut être quatre, candidatures. quoi. Envoyez vos Donc il faut une candidatures. personne en fait. Voilà. Non mais non non, on peut faire deux teams de trois. Genre toi Vin, je suis présente. Après il y a, on est tous les trois et contre trois autres personnes. Après on mélange. Ouais, contre trois auditeurs. Ouais, contre Je vais trois. chercher des gens sur Tinder. Et si... Ah ouais. Et si les auditeurs nous battent, on laisse notre place. Ouais, on peut faire ça avec les auditeurs. Ça peut être cool. Ouais. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont un micro correct et tout. Si de préférence, ils ont un micro correct, ce sont des femmes, elles ont un minimum de 95C. Ça va, toi, t'es marié, arrête de Si faire elles ne passent pas crevard. l'aspirateur pendant le podcast aussi. Le mec, il est marié, il a deux enfants et putain, c'est incroyable quoi, il racole sur les podcasts quoi. C'est pour l'audience. Parce que bien sûr, elles devront diffuser le podcast Et en après on vidéo. dit, et après on dit, je suis misogyne quoi. Non mais ouais, c'est des C'est toi audits. qui m'envoies ça par Facebook. De quoi? Tu me renvoies des messages, tu dis ça, fais pas genre. Ok, d'accord. Donc il y a des auditeurs qui veulent participer à une émission, on sait pas quand elle sera faite, mais bon, déjà, si vous êtes chaud, on prend vos coordonnées et on fera ça plus tard. À Bon, la ben en rentrée, gros. on fera ça à la rentrée, Ouais, tranquillement. de toute façon, vous êtes là cet été, vous partez ou pas? Moi un petit peu, mais pas trop, donc Bon, de toute façon, Non. le prochain, on le fera fin juillet, début août. Moi je serai là. Hein. De toute façon, on doit être un des seuls podcasts qui publie l'été, non? Oui, bah on bosse nous, merde. Eh ouais. Ok, bon, on va s'arrêter là. Donc on vous dit merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus après ce mois. Ravi de vous retrouver. Ouais, après ce mois d'interruption. Et donc on vous donne rendez-vous donc fin juillet, début août, en espérant que cette émission aura bien fonctionné et qu'on pourra la mettre à disposition. Merci à tous et bonne soirée. Salut, salut. Salut à tous. Salut à tous. Bisous. Looking at my neck like, what the fuck it really mean? All this money, nigga, all this green. Looking Jusqu'au